Il s'agit du flow de cast. Ça pue sa mère. Florent Bernard. Bravo. Adrien Méniel. Bravo, bravo. C'est très très impressionnant. Ah ouais, c'est toujours un spectacle. Hein, de oui, toute façon. Oui, oui, oui. Oh là là. Oui, oui, j'ai participé. Ouais, il était bien celui-là. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro du Floodcast. Tu me regardes droit dans les yeux en le disant. Mais oui, ça me fait plaisir. Mais parce bah que, oui, c'est ça, vrai j'ai que ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait parce que se passe. En fait, avec Adrien, on se voit tellement de fois avec Adrien pour faire d'autres choses que le Floodcast. Quel plaisir de vous retrouver. Promo d'un film. Comme à l'accoutumée, nous sommes accompagnés d'excellents invités. Notre première invitée est humoriste, comédienne et autrice. Vous l'avez sûrement vu sur scène. Son spectacle est sur Netflix d'ailleurs, ou au cinéma et à la télé. Au cinéma, on a pu la voir dans Docteur, Friendzone ou encore C'est la vie. Elle a aussi joué dans l'excellente série Mytho, que j'adore, que les gens ne regardent pas assez ouais, souvent, qui grave. Sur Arte. Super série. La non moins excellente série En Place, la saison 2, sort d'ailleurs cette année, dans laquelle va-t-elle peut-être jouer l'équivalent de Bernadette Chirac. On verra. C'est Fadili Camara. Bonjour Fadili. Salut les gars. Ça salut, va salut. Quel plaisir de te recevoir. Mais c'est un plaisir d'être avec vous. Ça fait vous, longtemps ma qu'on foi. Essaye. Quel mais bonheur. Oui, grave. Et je suis là. Je c'est suis trop bien cool là. Merci beaucoup. Notre second invité est un habitué de l'émission. C'est un peu notre Pierre Bénichou, avec un peu moins de salive dans la bouche. Roi de l'OpenAI dans son podcast Pardon GPT. C'est un rocher, c'est un rongeur. C'est Pierre Lapin. Oui. Je pensais que t'allais garder la description de la personne que je devais remplacer, ça m'aurait fait rire. Oui, parce qu'il faut le dire, il faut le dire. Pierre étant un vrai frérot, il a remplacé un peu à la dernière minute quelqu'un et ça, ça fait quand même très plaisir, Pierre. Et un grand bonheur. C'est franchement, ça fait trop plaisir de t'avoir. Bah oui, j'espère que tu vas bien. J'ai fait. Oui. En plus, on s'enchaîne avec Pierre parce que juste avant, j'ai participé à son podcast. Pardon, j'ai pété. Qui est incroyable. Aussi. Oui, que t'as, elle t'a participé, Fadili. Oui. Ici. Ouais, très marrant. Et Adrien aussi. On a tous participé. On a tous fait. C'est, pardon, oh, c'est beau. On est tous unis. Et si on se tenait la main, peut-être pas. Ah bon, ça fait super plaisir de vous recevoir. Donc, comme à l'accoutumée, on va faire les news oh, oui, du okay. Floodcast. Oh, oui. La semaine dernière, un Londonien est décédé. Oh non. C'est l'histoire ah déjà. Ouais, pardon. La honte du gars. Honte news. Comme il arrive souvent, quand quelqu'un meurt, on a décidé de l'enterrer. Aïe, aïe, aïe. Et il y a eu foule à la cérémonie. Et pourtant, une femme s'est fait remarquer sans le faire exprès. Mm-hmm. Et son étourderie a créé un beau moment de gêne dans l'église, à votre avis. Qu'a-t-elle fait? Elle est tombée dans le trou? Non. Oh, non. C'est dans l'église que ça s'est passé. Pas au moment de la mise en terre. Est-ce que c'est Afida Turner? Non. Non, non, t'inquiète. Grave. C'est génial. Est-ce qu'elle a cru que c'était un mariage? Un mariage, ouais. Ah non, c'était pas un mariage. Elle s'est habillée hyper stylée et tout. Et en elle fait, s'est levée en disant je m'y oppose. J'ai mort, là, vraiment. Le mort s'est relevé, il a fait ok. Ok, je reste. Ok. C'était pas mon heure finalement. Elle a fait donc elle a commis une bourde. Une vraie bourde. Une vraie bourde. Ah, on peut le dire. Est-ce que c'est une bourde orale? Elle a dit quelque chose? Non. Ah, elle a fait quelque chose. Elle a fait quelque chose. Est-ce que c'est la elle s'est habillée comme le défunt? Non. Fashion faux pas. Oh waouh, fashion mistake. Fashion faux pas là. Oh là là. Elle est qu'est-ce qu'elle a pu faire? Alors en fait, il y a pour vous donner un indice. En fait, si je vous donne un indice. Attends, est-ce que c'est juste sa présence, c'était déjà une bourde. Parce qu'elle portait, parce qu'elle avait sur elle, ouais. Parce que. Exactement. Ah okay. Parce elle qu'elle est venue déguisée. Pas parce qu'elle était. Non, elle n'est pas venue déguisée. Elle avait quelque chose sur elle. Ça aurait été marrant. Ça. Anti-grou. Ce n'est pas un baptême. Mais en fait, il y a une question. En fait, il y a. Il y a un indice que je pourrais vous donner que je ne vais pas faire. Parce okay. que ça vous donnerait la réponse trop rapidement. Ouais. Mais dans cet enterrement, il y avait un peu une spécificité que moi, par exemple, je n'ai jamais vue dans un enterrement. Mm-hmm. Une spécificité assez récente. Un open casque. Non, c'est pas ça. C'est pas... Non, pas le cercueil ouvert. C'était en live sur Twitch. Alors, pas en live sur Twitch, mais. Ah elle s'est filmée. Alors, c'est ça. En elle fait, a vlogué. Gros, elle n'a pas vlogué, elle s'est pas filmée, mais vous êtes, je vais vous expliquer. Il y a des enterrements où des gens sont sur Zoom. Oui. Voilà, ça, je ne connaissais pas. Ah bon, j'ai fait moi. Ah bah, okay, tu vois, il y a un écran. Oh, wow. Et donc, des gens regardent l'enterrement. Sur Zoom, t'as déjà fait ça, oh, c'est fou. Wow. Non, en vrai pas vraiment, mais je suis allé à un enterrement et il y avait une personne qui avait pas pu venir, qui habitait dans un autre pays, et du coup quelqu'un a filmé en fait juste en FaceTime pour qu'elle puisse assister à l'enterrement. Non, mais là c'est assez fou. J'ai vu la vidéo. T'as un écran de télé en vertical. C'est la même chose, mais du coup pour plus de gens quoi. Oui, ouais. Mais c'est vrai que c'est assez particulier. Mmh. Enfin, tu vois, dans une église et tout, t'as des gens dans leur bureau avec leur déco, leur truc derrière. Ça c'est juste surprenant. Ah, genre, est-ce qu'elle a mis un filtre? Elle a mis un filtre, c'est genre là. Est-ce qu'elle s'est filmée à côté du défunt, genre non, elle a remercié les subs, genre merci Vivi Claire. ça. Allez, vous pouvez y aller encore plus, encore plus. Plus, le train de live. Let's go. Il est one shot. Alors non, c'est malheureusement pas ça. Mais du coup, okay. Quand je vous disais gros indice, on y est. C'est ça. C'est la... via Zoom. Elle était sur Zoom. Sur Zoom. C'est elle qui était sur Zoom. Elle est allée pisser. Elle n'était pas sur Zoomeo, l'animateur. Bien sûr. Est-ce qu'elle n'est pas allée pisser avec son, alors, son portable? Très bonne réponse. Wow. Oui, très très bonne réponse de Fadili. Elle était à poil tout simplement parce qu'elle s'est douchée. Elle savait pas qu'elle était filmée. En elle, fait. Elle croyait qu'elle avait coupé la cam. Aïe aïe aïe. Et donc elle s'est douchée et elle s'est épilée même directement. Et personne. Il y a personne qui a pu la prendre. La personne était derrière le clavier pour dire pardon. Tu peux pas, attention. Ou éteindre l'écran. Oui, il y avait pas un gars de la tech sur place qui pouvait juste désactiver son. Écoute, ou le prêtre il pouvait pas juste parler plus fort. Je n'avais rien vu. Gravine, il est texte beaucoup plus fort. Il y avait un monde fou. Il s'est rincé l'œil, le prêtre. Ouais, ouais grave. Il s'est dit, c'est quand même pas toujours qu'il y a une meuf à poil dans une église. Il y a quelqu'un qui a dit, non, mais c'est un clic, on peut désactiver. Il a fait, touchez pas. C'est trop tard. On finit, et puis voilà. C'est la volonté du Seigneur. C'est comme ça. Donc oui, il y avait un monde fou à l'enterrement de ce père de famille londonien. Ouais. Pour permettre à tout à chacun de suivre la cérémonie par visioconférence, une caméra et un écran avaient été installés dans cette église. La vidéo existe. Dit quel intérêt de mettre... On peut voir. Hein, voir les gens sur l'écran, on s'en fout. C'est ouais. Moi, c'est un peu ça aussi. C'est-à-dire que je vois pas l'intérêt qu'on voit que toi, déjà, t'es triste. Quoi. Ouais, que t'es genre, c'est bon, la caméra, elle est mise. Alors, elle, pour le coup, ça se trouve, elle pleurait, mais on l'a pas vu. En retard, une Britannique s'est dit qu'elle allait commencer à suivre... Alors oui, elle en plus... Parce qu'elle a voulu commencer par Zoom et finir en vrai. Ah ouais. Ça, c'est assez fou. Elle veut faire ça intéressant. Donc en retard, une Britannique, elle voulait faire le buzz. Une Britannique s'est dit qu'elle allait commencer à suivre les funérailles depuis chez elle et qu'elle se rendrait ensuite sur place. Elle a cliqué sur le lien Zoom pour se connecter, mais a oublié d'éteindre sa caméra. Se pensant à l'abri des regards, cette mère de deux enfants a alors entamé sa routine beauté du matin, se déshabillant, se glissant sous la douche, sous les yeux effarés des autres utilisateurs et des personnes présentes à l'église. La malheureuse s'est ensuite épilé le maillot. À la vue de tous. À d'autres. Ouais, j'ai un peu du mal à croire. C'est un peu long quand même. Et puis la caméra, elle est positionnée. Ouais, genre... j'avoue. Ouais. Moi, c'est ça aussi auquel dans le coin. Elle a un pied de chaque côté du laptop. Ouais, grave. Non, mais quoi. Bon. J'avais pas vu. La personne s'appelle Marie Saint-Filtre. Oh, voilà, je sais pas si ça a un rapport. Mais effectivement, la Britannique s'est ensuite pointée 10 minutes plus tard à la cérémonie, ne doutant de rien. Oh, elle pleurait toutes les larmes de son corps et n'avait aucune idée de ce qui s'était passé, à raconter une personne présente à l'enterrement. Mais je suis d'accord, je me pose des questions. Ouais. J'ai envie de débunker cette histoire. C'est vraiment le pire moment. Je sais qu'il y a Adri débunk autour de la table. Ouais. Je sais pas s'il se permettra de débunker ça. Non, mais ça, on dirait un peu un délire d'exhibitionniste. Un pari avec le défunt. Mais et si je meurs, peut-être... t'es à poil à mon enterrement. Voilà. C'est la meilleure façon de le faire. C'est peut-être ça. Est-ce que vous avez déjà, vous avez en mémoire un moment où vous êtes un peu tapé la honte, un petit moment d'humiliation un peu gênant? Ah, Fadil, elle fait des grands oui. Ouais. Et bah vas-y. Moi j'en ai eu une, je devais avoir 17 ans. C'est même sûr en vrai, j'avais 17 ans. Et j'étais malade. J'étais au lycée et je me souviens que dehors, ce jour-là, il faisait très très froid. J'étais pas beaucoup habillée. J'avais juste un petit gilet. Et en fait, je suis rentrée dans le bus. Et en fait, la transition chaud-froid, elle était tellement violente que je ne me sentais pas bien. Je suis allée au fond du bus et je suis allée dans un coin et j'ai regardé autour de moi et j'ai vomi. Ah ouais. Mais genre vraiment, j'ai vomi. J'avais mangé qu'un magnum la journée, c'était un magnum. Genre, il était... Il y avait encore le bâtonnet. Ouais, non, mais vraiment, genre, il est tombé, genre. Avec un bruit de pièce. Non, mais... Et donc, je vomis et vraiment, genre, j'ouvre la bouche, je sors. Je referme la bouche, il n'y a rien. Ouais, enfin, non, en scred impeccable. Impeccable. Et en fait, je me suis dit, les gens n'ont pas vu. Et en fait, j'ai eu tellement honte parce que je me suis dit, je ne me vois pas genre, faire tout le trajet jusqu'à chez moi. Ouais. Et c'était loin. Ouais. Avec le vomi qui glisse comme ça dans le truc. Qui surfe, on peut le dire. Hein, qui voilà, surfe qui bus. Surfe. Donc je me suis dit. Qui casse la démarche. Je vais. Ouais, non, mais grave, je te jure, il est dans... Vraiment, il est dans le truc. Hein. Donc non, je me suis dit non, not today, bitch, not today. Donc j'ai simulé un malaise. Ah. Et en fait, on était dans la rotonde, vous voyez, dans le bus, avec vraiment une rotonde, quoi, avec la barre au milieu. Et donc je tombe et en fait, je vise très mal. Donc ma tête se tape sur le bas, genre le bas du poteau. Ah. Je perds pas vraiment connaissance, mais genre je suis dans les vapes. Ah donc quand c'est un malaise, t'as fait un vrai malaise. Vraiment, ouais, vraiment. Et donc ils appellent, et ça s'arrête même pas là, ils appellent les pompiers, les pompiers viennent, on m'emmène à l'hôpital, ils me font un électrocardiogramme et bref, ils voient qu'il y a un petit truc un peu mystique, ils disent on va vous garder, donc ils me gardent une semaine. Oh là là. Quoi ? Non mais vraiment, incroyable. Ça va trop loin. Ils me gardent un magnum. Non mais vraiment. Ils me gardent une semaine, ils me transfèrent dans un autre hôpital et je suis là les gars, ça va beaucoup trop loin parce qu'ils sont là, il y a un truc qu'on trouve pas normal et tout ça. Ils m'ont cryogénisé. Voilà, c'est grave. Donc je me retrouve à la Pitié-Salpêtrière. On me fait une espèce d'opération, ça va très loin. Ah non, mais j'adore. On me fait une espèce de simulation au niveau du cœur pour voir si je fais pas d'arrêt, de trucs et de ça. Enfin bref, ça va très loin. Et ils me disent, écoutez, comme là vous allez rester 24 heures allongé dans le lit, quand vous allez vous réveiller le matin, vous levez pas d'un coup. Oui. Vous vous levez doucement parce que voilà, vous ça peut être un peu violent. Moi le lendemain, je suis hyper bien. J'allume la télé, il y a Bob l'éponge, je suis là genre mais putain, je suis grave en forme. Je me lève d'un coup, je vais dans la douche, je m'enferme. Et je prends une douche chaude. Wow. Et donc, il y a de la buée de partout. Je fais un malaise. Deuxième malaise en une semaine. Et je vous jure que c'est vrai, je me souviens que quand je fais le malaise, j'ai la tête genre, sur le bas du mur, vraiment au niveau de la plinthe. Je suis pliée, genre, j'ai le menton sur le torse. J'ai les yeux ouverts. Je vomis. Et je vous jure que dans mes vapes, j'ai conscience que je suis tombée dans les pommes et je suis là. Genre, tu vas pas me dire que la fadilite est inconsciente. Et genre, j'ai le menton, la lèvre qui pendouille, le menton sur le truc, sur le torse. Je me lève, je me dis, je vais avoir besoin d'aide. Donc je me lève, je prends une serviette vite fait, je sors. Je vais au niveau du couloir en titubant. Et il y a un infirmier qui passe, il me dit, madame, ça va? Et je fais, bref, un truc incohérent. Il me dit, il entend, il crie un truc, un code genre 222, 222, et il me porte sur son épaule, ma serviette tombe. Oh, je suis devant tous les gens qui sont dans le couloir à Walpé. Non. Et il me pose en sac à patates sur le lit genre. J'ai un petit moment d'inconscience et quand je me réveille, je suis vraiment genre à Walpé sur le lit. Ah ouais. Avec genre 4-5 médecins autour de moi genre madame, ça va, je suis là, tout va bien. Et Bob l'éponge à la télé. Donc voilà, assez gênant. Incroyable. Et t'as quel âge là? 17 ans. Ah ouais, putain, c'est pile assez en plus gênant. Là, c'est le moment où c'est terrible. Oh, ah là là. Comme des quoi. Des souvenirs. C'est incroyable. Voilà, morale de cette histoire, ne simulez pas de malaise. Ouais, vraiment. Attends, mais du coup, t'avais vraiment un truc ou alors? Ouais, non, au final, après, c'était pas grand chose, mais j'avais des battements de cœur irréguliers. Des extrasystoles, quoi. J'allais le dire. C'est ça, exactement. Donc, ils ont dit, on va quand même checker ça. Mais parce c'est que... rien, enfin, je veux dire, c'est bénin après. Oui, voilà, c'est ça, mais c'est que. Mais quand il y a des battements de cœur irréguliers, ils se disent toujours, ouais, on va pousser. Tant mieux, c'est vraiment très prévenant. Ouais, génial. Du coup, ils ont détecté ça grâce à ton. Donc, c'est finalement. Finalement, un mal pour un bien! Ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, alors on parle, le vomi est toujours en train de flex dans le bus. Il a dû solidifier, genre. Il fait une choré TikTok. Désolé d'écœurer les gens parce que moi, le vomi, ça m'écœure. Mais vraiment, c'était un beau vomi. Ah ouais. Vraiment, c'était vraiment un magnum qui avait que t'as laissé au soleil et qui a fondu. Genre, il est vraiment tombé, genre, avec grâce. Ouais. Un emoji, quoi. C'est ça. Ouais. Sublime. Ouais, c'est ça. Et même tous les hémétophobes, voilà. Ils disaient c'est bon, elle part plus de vomi. Je vais le redécrire en détail. Oh, c'est parti en emoji. On avance. Plus 10. Toi, Pierre, t'as déjà. Enfin, j'imagine que t'en as eu, mais un moment qui te revient de honte un peu. Je m'étais morvé dessus. J'avais pas. Quand j'ai soufflé dans un trombone de clown. Ah, j'avais raconté ça. T'inquiète, il y a longtemps. Je vais faire vite. C'était spectacle un peu de fin d'année du cercle naval de mon grand-père. Cercle naval. Il était ingénieur dans la navale, enfin tu sais, militairement. C'était le capitaine ad hoc ou quoi? Il avait créé les jupes de aéroglisseurs, par exemple. Ah ouais, pas mal. Okay. Ah. Donc il connaît méga gaffe, peut-être. Alors non, aéroglisseur. Ah pardon. Hydroglisseur du coup. Aéroglisseur. Enfin oui, mais c'est le truc. Parce que hydroglisseur c'est sur l'eau. Oui, voilà, enfin le truc. Eh, j'en avais un radiocommandé. C'est quoi la différence aéroglisseur? Alors c'est sur la terre. Aéroglisseur, je crois que ça. Ça peut aéro sur les air, deux, ouais, hydro. Bah, c'est pour ça que je disais, tu sais, il avait fait le ferry qui traversait la Manche. Tu pouvais faire ça, c'était un. Un hydroglisseur. Bon, bref, tête d'ampoule, le man, mais à la navale et tout comme Robin ça. Quoi. Voilà, il était à Madagascar et tout ça. Et bref, il y avait un spectacle de fin d'année et j'avais dit, ouais, il y avait un clown. Et je sais pas pourquoi, je lui avais un peu sucé les boules, comme on le dit. Non, mais pas, je veux dire, métaphore. Je l'ai illustré, on va dire. Enfin, non, je veux dire, je l'ai. Voilà, je lui ai serré les pompes. J'ai serré les pompes. Et d'ailleurs, c'était des très grandes chaussures, mais c'était un clown. Ça a pris beaucoup de temps. Je sais pas, j'avais fait genre, oh là, j'aimerais trop être en spectacle. Tu l'as saucé, quoi. Ouais, t'as saucé le clown. Et non, du coup, il m'a invité sur scène et effectivement, il a dit souffle dans mon trombone. Ouais. Devant. Tout est vraiment bizarre. Souffle dans mon trombone. Souffle dans mon trombone. Fort, fort, ouais. Fort. Souffle d'un coup sec. C'est un enterrement. Laissez la vidéo du môme. Et donc devant une petite centaine de personnes quand ouais, même. Quand même. Et j'étais très jeune. La mort. Chaleur des projecteurs sur moi et je souffle dans le trombone et effectivement tout mon nez coule, ah, se oui. vide sur mon visage tout ça et ça ça j'étais une petite honte très jeune quoi. Ouais. Je crois que j'en avais parlé mais après les hontes un peu de nudité comme ça. Je me souviens, c'était à la plage, je crois que c'était au Perello pour celles et ceux. Sure. Ça va en Bretagne et du coup c'est le moment où tu veux te changer, tu passes de slip à slip de bain. Ah. Oui, bien sûr. Et tu as la méta serviette autour de la bien taille. Bien sûr, et tu glisses un peu la slibar. J'ai des souvenirs et je crois que j'avais l'attention qui était un peu focalisée sur moi. Et les gens devaient se moquer parce que j'étais tel un lombric un petit peu bien sûr. secoué. Et à un moment, j'étais genre, ouais, non, très fier. Et du coup, je fais genre tada. Et sauf que dans l'élastique de mon slip, j'avais oublié mon prépuce. C'est quoi? Ah, qui sortait un peu. Et il y avait du coup mon prépuce qui sortait devant tout attends, le monde. Attends, tu t'étais coincé la teub dans l'élastique. Il l'avait pas fait exprès. J'ai pas fait exprès. Ouais, ouais. Comment? Bah non, mais quoi, ça arrive. Mais non, mais tu genre l'élastique, genre. Attends, attends, j'ai pris à la gorge. Non mais c'est dommage. Fadili vient de jouer le prépuce de Pierre. Et là, je me dis peut-être effectivement mec, un peu de vidéo. Attention, dans... mec, attention. Peut-être un peut-être un. Ouais. Il y a des pour moi, il y a un petit, il y a un gif, il y a un gif à faire de Fadili qui joue le prépuce. Arrête, arrête. Arrête mec, attention, attention. Il le fait rentrer genre. Merci. Ah merci beaucoup. Enfin je respire. Mais non, non, si, mais... moi je peux comprendre. Si, attendez, attendez. Je pas... Vas-y, bah, c'est un peu comme, tu sais, parfois. Bon, désolé, on est directement un peu là-dessus, mais. Je crois que tu, quoi... dis, va dire, tu dis parfois et ça va être un truc qui n'arrive jamais. La une couille qui sort du caleçon ou un truc comme ça. Oui, ça bah, moi chose. Je mets des boxeurs donc je n'ai pas oui, ça. Oui, bah toi t'es super. Bah non, mais... tu te dises bravo à toi, une médaille peut-être. Non, mais. Attendez, il y a juste un truc de gravité. Une couille qui dépasse du caleçon avec la gravité, je comprends. On va mimer. Il remet son slibard. Il ne voit rien, il y a la serviette autour de la taille. Donc quand il remonte, d'accord, il ne sent okay, pas que okay, sa teub. J'avais raté un truc. Tu vois, la teub okay, est remontée okay. Et il voit pas que le prépuce est sorti. Ok, c'est bon, j'avais raté un truc. Ok, j'accepte. Voilà, tu vois. Il est pas resté toute une journée avec le prépuce dehors. Non, mais moi, je crois que c'était le matin, tu mets ton caleçon et genre, tu vois, je me disais, bah non, n'importe non, quoi. Ouais, bah non, c'était l'heure du changement, j'ai fait slip et tout slip de bain, tu vois. T'es farfelu, Pierre. Donc, on parle de ce que t'as fait juste avant l'émission. Mais du coup, vraiment, c'est ce sentiment de soufflante qui sur les joues chaudes de cette honte. Ah ouais, ce vertige où t'es genre. Oh et j'ai essayé d'un peu comme plus, j'ai fait rien comme ça. Et après, j'ai un autre souvenir aussi, parce que ça rappelle une autre époque d'internet. Mmh. À savoir que je commençais un petit peu à discuter avec une personne qui était une espèce de love interest, bien sûr, bien pour sûr. Moi. Et il arrivait des échanges un petit peu hot, mais en relation longue distance. J'ai envie donc de te faire un clin d'œil. Des réseaux sociaux, enfin, il n'y avait pas réseaux sociaux, mais du coup, tu envoyais des news. Posté ta queue news, en quoi. Story, ouais. Quoi. Ouais. Non, c'est pas ça. ça revient à une autre époque. Et c'est à savoir qu'à une époque, tu pouvais pas partager des photos efficacement. C'était l'époque MySpace. Et des fois, il fallait aller sur un hébergeur. De photos, bien sûr. De photos. Il y avait Image Shackers. Le risque terrible. Ah ouais. Que le lien soit public. Ouais. Image Shackers avec la petite grenouille. Je sais pas si c'était ça. Bien sûr, bien sûr. C'était en homepage. Sur Reddit, deux jours après. Ton prépuce en boucle d'oreille. Et effectivement, j'avais fait une photo un peu à caractère érotique. Ah et ouais. Moi, je pensais que mon truc était effectivement en privé. Oh non. Et du coup potentiellement, terrible, ma teub était sur non. le site de l'hébergeur. Et j'ai vraiment et ce moment de réaction, j'étais genre... La panique. C'est ah ouais. Traveling compensé, Jaws, tu vois. Enfin, j'étais genre, oh putain, et ça, c'est j'ai vraiment horrible, quoi. Quel donc, pas de ouais. honte, vraiment des gens confrontés avec des gens, mais je me suis dit, mon Dieu, ah bah Pierre, si, oui, oui, bien sûr. Horrible, quoi. Mais ouais, voilà. Ouais. Non, ça, c'est des petits moments, je... Ah, ça te coupe le souffle. Ah ouais. Adrien, t'as un truc. Moi, j'ai rien, j'ai cherché, tu m'as dit, j'ai réfléchi, mais j'ai pas... Non. J'ai pas honte. Il y en a... C'est pas un mec qui a honte, c'est pas un mec qui a honte, Adrien. Oh, ah, non, de moins en moins, mais... T'es un assumeur. Non, mais quand j'étais si... Je suis sûr qu'il y a des trucs, juste, je m'en rappelle pas. Ouais. J'ai juste, j'ai que des petites hontes du quotidien, quoi. Oui, oui, oui. Du genre, mais c'est vraiment, j'aurais dû commencer parce que à passer après tout ça. Ouais. Après le magnum dans le bus. Non, non, mais moi, et le prépuce qui dépasse. Et le topiqueur de Pierre. Ouais, c'est des petites hontes, mais c'est des petites hontes qui arrivent encore. Okay. Voilà, plus récentes, c'est pas donc, l'enfance. Des fois, je fais des stories dans la rue, donc en fait, moi j'essaye de gérer qu'il n'y ait pas trop de gens autour parce que c'est un peu la honte de. Et donc, c'est juste me filmer en train de parler. Parfois, il arrive que je sois genre à un croisement de rue et il y a quelqu'un qui arrive et du coup, tu es nez à nez avec quelqu'un qui te voit en train de. Bon, il y a plein de gens qui assument, mais moi, je trouve ça que c'est un peu la honte. Ouais. Et du coup, il m'arrive de faire semblant d'être en, genre bien en visio, quoi. Bien sûr. Je fais non, mais attends, je viens ce soir. Ça m'est arrivé une fois de faire genre, tu vois, je m'éloigne, tu vois, je tourne la rue et je fais genre, bah non, mais j'étais en visio, j'étais pas du tout en train de faire une story, enfin, ce serait n'importe quoi. À mon âge, faire une story, non, pas du tout. Mais tu sais que c'était d'ailleurs, ça me fait penser, c'était. C'était Hakim, justement, Gemili, qui avait partagé cette vidéo qui était marrante d'un gars qui l'avait filmé en train de filmer lui sa vidéo où il s'énervait sur un match de foot. Ah oui, c'est... Et en fait, c'est encore plus drôle de voir un gars s'énerver sur son téléphone, ah non, oui. Très près de l'écran. Très courbé d'ailleurs. Ouais. Parce qu'Hakim, plus il s'énerve, plus il est courbé sur le téléphone. Ah ouais, laisse en tomber. En contre-plongée, plus. C'était voilà, la canne quand la Tunisie a fermé, il a fini en roulade. Il s'est refermé comme un. Genre grave, diamant, grave. Une coquillette, je vois une coquillette. Ça rappelle ce que je vous ai dit, j'étais à la Villette, on est allé avec Chloé faire une exposition sur les déchets, le renouvellement, le recyclage et tout ça. Et à un moment, il y a un espèce de gros canevas, enfin qui présente un peu tous les l'ordre chronologique de comment on a avancé sur les déchets et tout ça. Et je crois qu'il y a un mec, je crois que je vous avais dit, et je crois que le mec qui s'appelle genre Cummings, un truc comme ça, et qui avait créé un petit peu la notion de il faut le déchet, quoi. Il a inventé les déchets, le mec. Non, mais en fait, il y a un truc un peu conceptuel. Je crois que c'est pas la poubelle, mais c'est vrai qu'à un moment, il dit ouais, c'est dégueulasse chez nous, les gars. À un moment, on va s'obliger à faire la traite des déchets. On jette en dehors de la table. Peut-être on met ça dans une ailleurs. Voilà, ailleurs ouais, oui, oui, oui. On met tous les trucs qu'on jette dans un endroit, peut-être. Ouais. Et je crois donc. C'est peut-être parce que poubelle, le mec, c'est lui, c'est le système de récupération des déchets et tout qu'il a inventé. Mais je pense que la poubelle, ça existait avant, j'espère quand même. Ouais, genre, je crois que c'était à Londres, donc Cummings, un truc comme ça. Et là, la seule réflexion, donc à côté de ma douce, je dis ah ouais, Cummings, comme le sperme, là, la bonne bite. Parce que tu voulais la faire rire. Je voulais la faire rire. Et donc, du coup, je vois Chloé qui ne réagit pas, qui se tend un petit peu. Et du coup, je la regarde et après, je me décale un petit peu. Oh, il était là. Et je. Non, mais. Faudrait ta bise là, genre. Oh, il m'ait. Un peu de respect quand même. Et non, et là, je décale un peu mon visage. Et quand je décale mon visage, je vois une espèce de petite bonnette au niveau de la hanche de ma copine apparaître. Je décale, je vois à cette bonnette un micro. Je vois marqué genre Radio France dessus. Putain, et c'était je vois... Maurice Giuliano, elle était verte. Et non, je vois une journaliste qui me regarde et qui était avec un micro d'ambiance qui faisait un reportage sur l'exposition. C'est pas vrai. Et là, je commence à faire. Et la meuf me regarde comme ça. Et j'ai réussi à retrouver la journaliste, mais j'ai voulu voir les rushs. Enfin, bah si ouais, la journaliste vous écoute, et s'il y a un connard qui a dit par rapport à la bonne baise, la bonne bite, le sperme, oui. Si vous avez ça dans vos rushs, envoyez ça, je rêve ça. Mais là, je pense que ça l'a marqué. Oh je pense que ça l'a marqué. Non, je vois pas du tout s'il y avait. Ah, il y avait eu ça aujourd'hui. Je me suis incroyable. Tapé la dernière grosse honte. Ah, c'est bon. Ah ouais, mais c'est bien. Tu vois, par rapport à ta fausse visio, moi je sais que j'ai déjà grillé une personne comme ça. Oh non. Ah ouais. Dans ma ville, une meuf qui visiblement n'avait pas vraiment envie de me dire bonjour. Et je me souviens que souvent quand je la croisais, elle était souvent au téléphone. Et donc du coup, elle me lâchait un ça va, bonjour. Et ce jour-là. Elle parle au téléphone, elle parle. Oui, non, mais en plus, elle dit des trucs hyper incohérents, genre non, mais je te dis, enfin bref, c'est très incohérent. Et en fait, au moment où elle arrive devant moi, le téléphone sonne. Oh non. Et j'étais là, genre vraiment. Tu sais, je l'ai vraiment regardée, j'ai fait bonjour, elle est partie, mais en Sarkozy, mais quelle indignité. Quelle indignité. Ouais, je comprends. Ça fait de la peine. Ah non, non. Ouais. C'est la honte pour elle, du coup. Là. Ah ouais. Moi, c'est marrant, depuis que j'ai une petite fille, au début, j'ai eu des trucs un peu de honte, elle fait des trucs. Bah, principalement, désolé Pierrot, mais voilà, des trucs de bébé qui peuvent pas gérer, de caca, de couche, de machin. On en parlera plus tard. On en parlera plus tard. Et maintenant, plus elle grandit et tout, plus je suis ok avec ça. Je fais, bah, c'est un bébé, quoi. Okay, là, franchement. Tu vois, tout va bien. Et vraiment, moi, il y a eu 2-3 fois où j'étais dans un restaurant où ma fille fait dans sa couche et je dois la changer. Et le restaurant n'a pas de pièces pour. Ils ont très peu, en fait, de restaurants, très peu dans les toilettes, comment on appelle ça, le la truc table que tu déplies, voilà, la table allongée. Voilà. Ouais. Exactement. Du coup, je commence à faire un truc un peu galère de donc je vais dans les toilettes pour handicapés. Je m'en excuse, je les ai utilisées parce que c'est là où il y a de la place. Sinon, c'est des chiottes de resto trop petites trop pour moi. Donc, je ferme la lunette des toilettes, je la pose. La petite, elle hurle parce que c'est froid et dur. Elle tourne dans les vois. Chiottes, littéralement. Merde. Ouais, elle est pas contente. Et en fait, j'avais pas fermé la clé dans la terreur. Ah. Du coup, j'ai vraiment un monsieur avec une canne, enfin, tu vois, vraiment, qui marchait pas bien, qui ouvre. Et je suis vraiment, je tiens les deux jambes de ma fille en hauteur. Il y a de la merde partout. Moi qui ai la main avec le PQ. Et vraiment, c'est pas très visuel. Enfin, je suis désolé, on est à la radio, mais ça faisait vraiment genre. J'ai pas été vite quoi. J'ai été doucement de Qu'est-ce qui se passe. Mais c'est mon enfant. C'est la mienne. Il a compris. Et il a évidemment compris, pas de soucis. Et je me suis confondu en excuses. Il dit non, mais il y a aucun problème, pas de soucis. Et voilà. Mais heureusement. L'image était quand même très marrante parce que vraiment, il est entré au moment où elle était soulevée. Ce moment où tu lèves les jambes. Vraiment, il a même la petite, elle devait être genre. Salut. Très bien. Ok. Voilà. Quel jeu? Hein? Le jeu en a parti. Quel objet, pourtant très présent dans les maisons et les appartements à une certaine époque, ne se vend plus du tout. C'est ce qu'on a appris récemment. Pire, 9 Français sur 10 disent en avoir un, mais ne pas l'utiliser. Ah, de quoi l'extincteur. Parle-t-on? Pas l'extincteur. La ventouse. Les ventouses. Pas une saucière. Pas une ventouse. Ventouse, c'est que ça m'a sauvé la vie de trois fois, moi. J'utilise à fond. Non. La vie, non. Bah, j'allais mourir. J'allais mourir. Super. T'as ventousé le truc. Je l'ai mis dans un pistolet comme Donald Duck dans Quackshot. Non, mais bon. De quoi? T'as débouché un truc, quoi. Ouais, j'ai débouché. Où je me dis, j'aurais pas pu faire autrement qu'avec une ventouse. Non, mais quoi, en vrai, c'est ultra efficace. Mais moi, oui, j'ai même ça. Une super ventouse chez moi. Oh là là. Avec des ventouses. Ouais, il faudrait que je m'en achète une. Mais tu vois. Bah, c'est une ventouse. Non, mais elle est. Je sais pas comment. Elle est fermée comme un gland à l'envers et il y a le petit bout à la fin. Oui, c'est ça. Non, ah, non, non, non, moi, non. Non, mais c'est une ventouse qui combat les méchants. C'est super ventouse. Non, non, mais en fait, c'est un design spécial où elle se plie en plusieurs endroits et du coup, ça appuie encore plus. Ah oui. Bien joué, ça. Okay. Je vois très très bien. J'attends avec impatience d'avoir un évier bouché, du coup. J'ai utilisé une fois, je dis, ça a l'air quand même un petit peu bouché, mais pas vraiment. Non, c'est juste parce que j'avais hâte de l'utiliser. C'est pas satisfaisant. Donc ce n'est pas l'aventure. Florent, cet objet, tu l'as? J'en ai un. Ah? Mais je ne l'utilise pas. Est-ce que c'est dans la cuisine? Ce n'est pas dans la cuisine. Dans le salon. C'est pas dans le salon. Dans la salle de bain? Moi, en fait, je sais pas. Moi, je le rangerais dans la salle de bain. Mais après, des gens ont parfois mettent ça dans un placard. C'est pour faire le ménage? C'est pas pour faire le ménage. Le fer à repasser? Oh, très bonne réponse de Pierre Lapin. C'est ça? Ah oh, wow. Ouais, direct. Non mais c'est vrai. Le fer à repasser. C'est vrai. Il est où le mien d'ailleurs? J'ai abandonné. Non mais c'est vrai, il est où le mien d'ailleurs? Ouais, c'est ça. Bah moi j'en ai pas, mais j'ai un petit les trucs verticaux là. Allez, c'est 6 mois. Le vapeur, ça doit être incroyable. C'est pas mal, ouais. Alors, après je l'utilise une fois tous les 6 mois, ouais. Mais quand j'en ai besoin, il est là quoi. Mais pourquoi on repasse plus nos vêtements? Écoute, une disparition à toute vapeur, comme le souligne avec malice le journal. Et parce que les vêtements, ils sont de plus en plus dans des matériaux synthétiques qui froissent pas, non? Peut-être. Oh. Peut-être. En tout cas, il suffit pour le comprendre de regarder les ventes de fer en baisse de plus de 3% en 2022, sans parler du sort des centrales à vapeur dont les ventes s'effondrent de près de 7%. Eh, mais c'est vrai ça. À regarder de plus près, le phénomène n'est pas uniquement français. En Angleterre, le Guardian révélait, en septembre dernier, qu'un jeune Anglais sur 3 n'utilise plus de fer à repasser au motif que les vêtements n'auraient plus besoin d'être repassés. Okay. Même un truc de mode, apparemment. Un truc de mode où en fait, il n'y a plus besoin que ce soit nickel, chrome. Bah oui, c'est ça, et en plus, les vêtements, quand tu les étends, t'as juste à. Ouais, c'est quoi ça, les étends et tout l'autre. Ouais, c'est ça. Ah ouais. Donc, en gros, c'est. Pire, les... t'as le pli du truc. Du Tankerville. Bien sûr. Juste le trait, tu fais, ouais, ça va. On est des grunge. Mais voilà. C'est ça. Ceux qui repassent sont surtout les vieux, et donc, forcément, vu qu'il en meurt chaque année, bah, du coup, les chiffres baissent. Petite histoire du repassage, ça vous dit? Ah oui. Oui. C'est pour ça qu'on est là. Les premiers à s'être mis au repassage étaient les Inuits. On repassait déjà au 1er siècle avant Jésus-Christ. Même les Vikings repassaient leurs vêtements avec des cylindres en bois. Ouais. Les repasser avec quoi? Pardon, techniquement les Inuits. Ils Je te dis l'article. Genre, ils ont l'électricité, genre. Non, mais c'est comme je te dis avec les Vikings, c'est des cylindres en bois. Ouais. Tu vois? Ah oui, ils avaient le réflexe de dire, une fois que c'est sort de l'eau. Ils aplatissaient leurs vêtements, d'accord. C'est ça, c'est ça. Pendant des siècles, les êtres humains ont patiemment défroissé, déplié avant de replier des vêtements froissés et séchés et rêches, mais aussi des nappes, des serviettes, tous ces objets devenus lisses et doux sous l'effet de la chaleur. Voilà. Incroyable. Les Inuits étaient coquets un peu. Quoi. Ouais. Inuit coquet, qui est un youtubeur problématique. Voilà, qui parle un peu d'actu. Donc oui, personne ne repasse ses flingues autour de la table. C'est ouf. Toi, t'as un steamer, c'est ça? Ah ouais, j'ai un truc, voilà. Ouais, faudrait que je m'en prenne un steamer, ça me chauffe bien ça. Moi, steamer, ma meuf en a un et je l'utilise vraiment quand j'ai. T'as vraiment besoin. C'est ridicule. Besoin, non, mais où tu vois vraiment que c'est dégueulasse. Ouais. Mais c'est rapide. Ouais. Oui. Ouais. Et c'est agréable à faire. Ouais. Ah ben je vais prendre ça. Mais qu'est-ce que je vais faire de mon fer à repasser? Tu sais même pas où il est donc. Ouais non mais j'avoue. Ouais. Toi non toi de. Si mais comme Fadili ouais. Je pense qu'il y a un Toy Story avec les fer à repasser, c'est une tristesse abyssale. Mais moi je tourne mon tour. Grave. Non, crève, c'est terminé. Tu peux aller avec l'agenda électronique qui est là-bas. Le palme. Grave. Non, la vie, ça peut servir à faire des pièges pour des cambrioleurs. Oui, oui, voilà. Ah, passer, tu, vois, c'est, tu l'accroches à une ficelle dans l'escalier. Voilà. Tu vois qu'il fera ça, tu vois, quand on montrera maman j'interviens les enfants, ils feront quel est cet objet étrange, quelle est cette arme. J'en ai jamais vu. Un sondage a été lancé pour établir le classement des enseignes de magasins préférées des Français ce début 2024. Je vous demande le top 5. Enseignes préférées des Français. Alors c'est des enseignes. Je dis magasins, mais en vrai. Est-ce qu'il y a les supermarchés ou pas? Il y a les supermarchés. Lidl. Le 9e, il y a McDonald's par exemple. Okay. Donc c'est vraiment les enseignes connues que tu vois un peu partout. Il y a Carrefour. Quoi. Il n'y a pas Carrefour. Dans les enseignes préférées, Leclerc. Il y a Leclerc, mais il n'est pas dans le top 5, il est même 6ème. T'es pas loin, t'as envie de faire la pub? Est-ce que... On va demander à Morgan Cadignan de nous aider. Lidl, non? Avec Silvercrest, tous les promos et Lidl tout. Lidl ne fait pas partie du top. Auchan? Auchan ne fait pas partie du top. Moi, j'ai acheté le nettoyant vapeur Silvercrest. Ah bah voilà. De chez Lidl? Bah, il était à 20 ou 15 balles, je crois. J'ai fait, bah allez, c'est parti. Mais ça, j'aimerais voir une vidéo. J'aimerais voir une vidéo qui explique un peu les trucs de Lidl. Non, mais tu sais, il y a des pubs. Je crois que tu voulais une vidéo de quelqu'un qui utilise. Je te la faisais sans problème. Un bonheur. Non, mais souvent, et c'est souvent à la télé, des fois, ils te font des pubs sur le prochain objet à vendre sur à la drop, télé. Mardi. C'est ça. Bah, sur Koh-Lanta, souvent. Et pendant Koh-Lanta, ils te font la pub du nouvel objet. Et je me dis, c'est fou qu'ils aient des nouveaux objets tout le temps. Tout le temps. Donc, doit y avoir un peu un truc où c'est sûrement pas ouf. J'imagine que c'est des trucs qui doivent. En vrai, non, ça dépend. Je sais pas. Je trouve leurs produits sont pas mal. Hein. Ouais, non, mais je connais pas parce que j'achète pas. Mais le fait d'avoir des nouveaux produits tout le temps, je trouve ça assez dingue. Donc, non, il n'y a pas Carrefour, il n'y a pas Auchan. Ouais, c'est des bosseurs. Il n'y a pas Lidl. Dans le top 5, est-ce qu'il y a un truc français au moins? Ou alors est-ce que c'est plutôt des trucs américains? Non, je crois que c'est français. Alors peut-être on me dira dans les commentaires, pas du tout, mais c'est une marque que j'ai tendance à penser française. Cora? Il n'y a pas Jiffy, il n'y a pas Cora. Franprix. Toi aussi t'aimes bien chanter. J'aime les... ça, ouais, grave. J'adore ça. On peut le faire, hein. Tu sais que Jiffy, il y a un super documentaire sur le patron de Jiffy. Ah ouais? J'ai oublié le nom, vous tapez patron de Jiffy documentaire. Oui, je regardais Jiffy. Jiffy. Jiffy King. Et en gros, je sais pas si vous êtes déjà allé à Jiffy, mais quand j'étais à la Jiffy, j'étais choqué, il y avait beaucoup de bouquins à l'entrée écrits par le patron qui s'appelle La vie est une idée de génie, La force d'aimer. Donc moi je me suis dit, oula, c'est une comédie musicale, pour moi, mais voilà, c'est le Bispo qui revient. Et donc je trouvais ça un petit peu bizarre, tu vois. Donc j'ai fait des recherches dans mon coin, je trouvais ça fou que le patron, parle à la caissière et elle se marre. Parce que j'adore aller à Jiffy, moi vous me connaissez. Et la caissière elle fait, ouais, non, mais on est obligé de les mettre et tout, mais personne n'achète ça, tout le monde s'en fout, donc on baisse le prix à chaque fois. Ouais. Et il y a un gars qui a fait un documentaire sur ce mec, et ça s'appelle Des idées de génie. Point d'interrogation. Oh. Alors je l'ai pas vu, mais j'ai vu la bande annonce. Il est gratiné. Non, mais j'ai vu la bande annonce et c'est très drôle parce que ça a l'air d'être un gars un peu à la Michael Scott. C'est-à-dire dans The Office, tu vois, un mec qui essaye d'être cool. Vu le bouquin, oui. Mais voilà. En même temps, et du coup, j'ai pas vu le docu, hein, donc je veux pas vous vendre un truc qui est peut-être pas bien, mais la bande annonce fait très envie et j'ai très envie de le regarder. Ça me donne envie. Ouais. Bah, c'est ça. Est-ce qu'il y a Charles Villiers dedans? Je sais pas, non. Tout en North Face, évidemment. Oui. Évidemment. Est-ce qu'il y a Monoprix? Il y a pas Monoprix. Franprix. Il y a pas Franprix. En fait, je vais vous dire dans le top 5, il y a pas de supermarché. On a demandé, il y a des supermarchés, t'as dit oui. Non, dans le top 10, c'est là où je me suis trompé. Il y avait Leclerc 6ème. BM ou Babou? Il y a Babou. Je les ai tous. Attends. Babou, je me demande si ça fait Jennifer. Partie des magasins qu'on fermait en masse récemment. Ouais, je crois que c'est BM maintenant et c'est remplacé par les BM. Il y a Stokomania aussi. Action. Action est numéro 1. Ah oui, Action. Action numéro 1. Tu vas pour acheter des agrafes, tu ressors avec des feuilles, il y a avec une parasol. Ouais, grave. C'est ça, il y a tout. Des poids. Le mec sur TikTok, c'est ça, grave. Grosse remontada d'Action qui a quand même été également premier en 2023, qui était 3ème en 2022. Tu le connais aussi, Et qui était même pas dans le top. Ah si, pardon, qui était. En fait, il était 9e en 2020, 7e en 2021, 3e en 2022, et là deux fois numéro 1. Oh, le clutch, wow. Oh, le clutch. Incroyable, Action. Action. Est-ce que mais je suis surpris parce que moi j'étais plus Nose par exemple. Bien sûr. Et Action, je trouve que c'est, il y a pour le coup un peu trop de choses pour moi. Ouais. Nose, je trouvais que c'était un peu plus, voilà. L'action, des fois, je me perds un peu. T'étais un Nozman. Normal. J'étais un peu un docteur. Il y a le normal aussi, les magasins. Oui, bien sûr. Ah, ça, j'ai découvert ça. Et vous, on l'avait découvert dans le podcast. On m'en a parlé, mais c'est que là, j'ai fait une journée à Marseille après l'avant-première. T'as dû adorer. Et je suis tombé. Pas mal. Ouais, pas mal quand même. Pas mal, petit truc sympa. Il y a des petites folies. De l'aspect, c'est dans un sens. Oh, oui, je déteste. Oui, oui. Ça m'énerve. Je déteste. Ah oui, c'est imposé là. Et le logo. Hideux. Normal. Ouais. Il est vraiment. Pas ouf. Ouais. Le magasin, il pouvait pas l'appeler pas ouf. Donc pas c'est normal. Est-ce que de Action, ça peut découler sur plein d'autres choses là? Alors, il n'y a pas trop. Non, il y a pas. Non, on est sur des trucs après. Et c'est français après? Il y a du français, il n'y a pas que du français. La brioche dorée. Il n'y a pas la brioche dorée. La Micheline. Il n'y a pas la Micheline, mais on est sur des comment dirais-je, des kings de leur catégorie, j'ai envie de dire. Ok, les kings aussi. Vous voyez, alors ce que attends, je veux là, le chaussure. Il n'y a pas là, le chaussure. Bah non, mais. Ikea c'est les... Ikea est cinquième. Donc ça fait. Ah, mais t'as dit que c'était français! Pas, mais non, pas il que. A, c'est pas que, il a dit. Tu réécouteras, ah tu, non, réécouteras non, non, tu réécouteras, j'ai dit pas que. Il a tout pété. Ok, d'accord, ok. Bon, Ikea, après c'est français Ikea, ou pas Ikea. Attends, le reste, est... le reste est français ou pas? Je suis pas certain, pas. Mais, bon, tu fais, okay. Tu fais, mais tu me fais peur, non, non, non, non, tu me fais peur, Adrien. Non, mais j'oublie. C'est quoi, je fais des recherches en non, même non, temps mais... Donc t'as fait les meubles, on a dit Kingos de leur truc. Ouais, c'est Action, ça. C'est un peu fourre-tout. Action, ouais, mais ouais. Kingos de leur truc, ce serait quoi d'autre? Attends, il y a pas les vêtements, bah, là. Eram, André. Ah oui, les vêtements. Non, il y a pas ça. H&M. Il y a pas H&M. Alors attends, oui, parce que moi j'avais occulté tous les trucs pas français dans mon analyse, dans ma banque de données. Il y a pas Zara. Ah ouais, non. Mango. Il y a pas Mango. Ah, Chine. Y a quoi? Ah, Chine. Je connais pas. T'es mou? Non, mais y a pas en tout cas. Et non, tant mieux. Et tant mieux. Ouais, ouais. Bravo à vous les Français. Ouais, ouais. Hippopotamus. Y a pas Hippopotamus. C'est les kings. Y a un resto. C'est les kings de la Petra, viande. Petra Alta? Non. Non mais on là, sait jamais. C'est quoi? Non mais c'est bien, tu tentes. Un moteur de recherche pour la boucherie. La Vista. La pataterie. Est-ce que tout est français maintenant? Ok. Oh. Est-ce qu'il y a des restaurants? Oui ou merde. Pas de. Écoute-moi bien. Il n'y a pas de restaurants. Alors là. Tout est français. Est-ce qu'il y a des trucs de vêtements? Il n'y a pas de marque. Non, pas de marque de vêtements. Ah ouais, alors, ouais. La nourriture. Enfin, il y en a un qui fait des vêtements, mais pas que. Nourriture, ouh, oui. Ah, vêtements et nourriture, il est quatrième, je peux vous le dire. Ah, et il y a un truc qui fait des vêtements, mais pas que. Oui. Donc c'est vraiment genre. L'espèce de... king de sa catégorie. Ça, je peux vous le dire. Ah ouais, ah ouais, donc c'est. Mais attends. Non, c'est pas Citadium. Pas Citadium, non. C'est très parisien. Sachez que les Citadiums me rendent heureux dans les grandes villes. Quand j'en vois un, j'aime bien y aller ouais. Parce que c'est un peu le. Ce que j'aime bien. Là, non, t'as Bordeaux. C'est très parisien. En fait, il y en a plusieurs partout. En fait, il y en a à Bordeaux. Il y en a à Lyon. Il y en a à Lyon. Je savais pas du tout. Et à chaque fois, ils sont assez chouettes. À Marseille, je les ai tous faits. Là, on a fait la tournée des avant-premières. J'ai fait chaque Citadium. Ouais. Pas forcément acheter du des trucs. La Fnac, bêtement. Non, la Fnac n'y est ah. plus du tout. Ah, bah, ouais. Elle est septième. Elle est septième. Non, Boulanger n'y est pas. Je suis sûr que là, on passe à côté de ouais, trucs. Non, ça m'énerve. Il y a alors, toute une non. gamme de magasins que vous n'avez mais même oui, pas abordé. Monsieur Bricolage. Ah. Voilà, tu t'approches. Alors, il n'y est pas. Il ah, est pas. Le Roi Merlin. Le Roi Merlin. Le Roi Merlin est troisième. Le Roi Merlin. Nous, les Le Roi Merlin, le 10 avril au cinéma. Le Roi Merlin pour réussir. Non, pas du tout. Si, si. Le Roi Merlin pour réussir. Mais non. Ah, vous cherchez la mélodie. Le Roi Merlin, c'est. Si, si, c'est ça. Ah ouais. Ah non, le roi Merlin, ils ont un slogan. Pa, pa, pa, non, pa, mais c'est pa, ça. Pa, pa, pa. Mais pour moi, il n'y avait réussir. Pas de slogan. Pour moi, c'était ah juste. Ouais, si, disait, si, pa, le roi pa, pa, Merlin pa. Pour réussir, par contre, ça existe. Ah ouais, Fin du. Je sais pas parce que t'as dit. T'as dit papa, papa, papa. Tout bâti, jardin. Tout roman. Non, mais les rois Merlin, c'était eux qui faisaient. Non, c'était. Vos envies prennent vie du côté de chez vous. Avec le roi Merlin. Vos envies prennent vie du côté de chez vous. C'était ça... les maisons des riches. C'était ouais. Alors moi j'ai construit. Ouais, grave. Bon, voilà, c'est une petite maison sur 45 étages. Voilà, avec une petite slogan. Véranda. Ouais, toi, voilà. C'était le slogan, Pierre. Ouais. Le roi Merlin pour réussir. Non, mais comme quoi on se tient la main. On se tient la main ensemble dans une grande ronde à l'infini. Donc il y a Action en premier. Le roi Merlin est troisième. Il y a les troisièmes. Pardon. Et Ikea est cinquième. Il vous manque le deuxième et le quatrième. Voilà, moi il y a un truc qui me. J'arrive pas à comprendre. Vous donne le. Attends. Oh là là. Non, mais je prends le livre. De non, non, non, non, mais parce que t'as dit, il y en a un qui fait des vêtements, mais pas, mais que, pas que. Mais pas que. Mais c'est un king dans sa catégorie. Oui. Sauf que sa catégorie, c'est genre plein de trucs différents, apparemment. Tu vas, je vais te dire la réponse et tu vas dire, mais oui des ba- ah, c'est un bazar. C'est une pas un bazar. Non, c'est un concept store, genre. Non, pas un concept store. C'est. Attends, c'est des trucs d'occasion, genre. Non. Mouah attends, mais alors ça c'est, c'est une marque qui était première en 2020 et qui est passée deuxième en 2021 t'es qui est restée deuxième tout le long. Mais c'est pas une grande surface. Ouais. Ah ouais. Non, c'est pas une grande surface. Comment ça c'est des magasins sont gigantesques. Monoprix, c'est pas, pas Monoprix, Monoprix, mais c'est pas un supermarché en tout cas. Et comment ça se fait? On marche c'est dans les rues, premier, on le voit. On parle du premier jusqu'en 2020, les amis. Il y en a un à République même, je crois. Non, pas Gosport, Décathlon. Ah, mais bien sûr. Décathlon. Bien évidemment. Tu vois, oui. King de sa catégorie. Ah, oui. C'est un Gosport à Décathlon. Bah, oui. À République. Ah oui, c'est à Saint-Michel, ouais. Décathlon. Aya Sport. Bien sûr. Rien à voir. Décathlon, incroyable. Action. Action, donc ça fait Action, donc, Décathlon, Le Roi Merlin. Roi Merlin. Il manque le quatrième. Il manque le quatrième. Donc quatrième qui est dans l'alimentaire, petit indice. Ah. Dans l'alimentaire. Biocoop. Pas Biocoop, non. Biocoop. Bon, Biocoop, ça marche aussi. Cora, hein. Non. Je t'ai trouvé, on dit Biocoop, hein. Moi je dis Biocoop. Ouais, non, moi, je crois qu'on dit Biocoop parce que c'est bio. Je crois que c'est coopératif, je crois. Robocop, on dit. Ouais, Robocoop. On dit Robocoop. Alimentaire, alimentaire. Posez vos graines de chien tout de suite. Ah, c'est pas. Comment il s'appelle le truc nature. Pas Nature et Découverte. Ah non, pas Nature et Découverte, non, mais Naturalia. Naturalia. Ah non, pas Naturalia. Non, on est sur une catégorie. Picard. Picard. Bah oui. Et voilà, vous bien avez sûr. Le... Oh, ouais. Vous avez le top 5. Je m'achète des fraises d'ailleurs. Tant qu'on y est. J'ai oublié, tant qu'on y est. Je crois que je suis assez à l'aise. Ça va. Ce top, ça va. Ouais, il y a des marques qui ont disparu. Sephora était très présent à une époque. Ah, oui, ouais. Disparu du top 10. Histoire d'or était en 2023 dans le top 10. Ah ouais. Attends, pardon. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est d'une bijouterie, je crois, Histoire d'or. Ouais. Mais on est fauchés. C'est fini maintenant. Non, mais Histoire d'or, c'est abordable. Ouais, mais. Comme moi, j'ai action maintenant. C'est vrai. Je rebondis ce que tu es en train de dire. Je pense qu'il y a un côté. Le classement des gars magasins par secteur, on retrouve des surprises, puisqu'en gros, selon ce qu'analysent les deux mecs qui ont fait l'étude, la hausse des prix, les Français modifient. Enfin, à cause de la hausse des prix, les Français modifient. Bien sûr. Par exemple, Vinted, qui était complètement absent des marques les plus citées par les Français, a été plus que cité cette année, puisque un classement qui prouve l'engouement de plus en plus important des Français pour la seconde main, qui représente 48% des ventes en France en 2022. Vous imaginez, quasiment la moitié, c'est de la seconde main. C'est ce qu'on aime. C'est bien, et en même temps, ça souligne que les gens ont moins de sous. Voilà, tout simplement. Mais Grand Frais a disparu. Grand Frais, c'est quoi? C'est comme Picard, un peu. Grand Frais. Mais il n'y en a pas partout. Non, c'est plutôt des énormes surfaces, plutôt un truc qui est en région, enfin, en dehors des très grandes villes. Oui, voilà. Beaucoup moi, je sais qu'il y a un Grand Frais. Il y avait beaucoup dans le sud, j'ai l'impression. Non, il y en a un peu partout, en vrai. Il y en a un peu partout. Dans l'est, c'est quoi, il y a une espèce de boulangerie mystique qui pop un peu partout. Marie-Claire? C'est ça? Je crois que c'est ça, les boulangeries Marie-Claire. C'est un magasin. J'en ai pas vu des masses. Non, mais Marie Cali. Non, attends, Marie. Attends, je vais taper. Marie s'infiltre encore. Marie s'infiltre. Elle est là. Mais elle est pas. Marie Blachère. Ouais, c'est ça. Les boulangeries Marie Blachère. Donc voilà. C'est quoi, vous, le magasin où vous vous sentez bien? Magasin, là, tu disais Citadium, tu vas dans des grandes villes, tu vas dans Citadium. Toi, Pierre, l'endroit où t'aimes bien aller dans les magasins? J'aime pas beaucoup aller dans les magasins, mais je sais qu'il y a un truc un peu. Ça va le gaucho là. Gratos! C'est insupportable! Non, mais j'ai peu. Mais après, j'ai des petits doudous un peu, j'ai l'impression de Muji. Ah ouais? Des fois, il y a des. Je suis à fond, mais bon. Non, mais Muji, dans j'y étais hier. Ma papeterie, tout ça. Le Muji de Lyon. Voilà. Ok. Ah ouais? Génial. Ah ouais? Je l'ai découvert par hasard, je suis tombé dessus. Et j'ai découvert aussi. C'est quoi? C'est une sorte de. Je crois que je suis jamais rentré dans un Muji. Jamais allé chez Muji. Non, je suis allé chez Muji non plus. C'est. Ok, c'est des. Bah. C'est des sapes? Et pas que. Non, il y a un peu de tout. Il y a des vêtements, il y a des trucs pour la maison, il y a des trucs de papeterie, il y a de la bouffe, il y a plein. Mais c'est japonais. C'est une maison un peu d'un épuré. Gars, ah. Ouais, japonais. Grave. Et je crois que Muji, le nom veut dire sans nom ou un truc comme ça. C'est-à-dire que t'as pas de marque précis. Dessus et tout. Quoi. Okay. J'ai découvert à Lyon les vêtements Muji. J'avais jamais prêté attention. Il y a des trucs pas mal. Et j'ai acheté un truc là et je me suis rendu compte que, parce que moi je suis allé à celui de Paris hier, parce que je suis devenu fou de Muji. Je connais Muji. À celui du Forum des Halles, ils avaient pas les trucs que j'avais vu à Lyon. Putain, ah ouais. Et du coup j'ai fait, mais c'est pas Parigo là. J'ai cherché sur internet et c'est que sur le site américain de Muji. Donc le Muji de Lyon, il est complet. En avance sur toute la France. Incroyable. D'ailleurs, le seul Muji qui n'est pas à Paris. Et celui de Lyon. D'accord. Tous les autres sont à Paris, j'ai découvert ça aussi. Ah ouais. Voilà. Il a tout. Il a bossé son sujet. Voilà. Fadili, toi, il y a un magasin. Je deviens un bandeur du Japon, je me rends compte. Avant, je disais, c'est bon avec le Japon. Je suis fou du Japon maintenant. Bah, parce que ça tue. Bah, ouais. Moi, j'en ai plusieurs, j'avoue. Ouais. J'aime bien la Fnac. Ah, j'adore la Fnac. À la Fnac, genre, je me perds. Bon, j'ai arrêté de le faire maintenant, mais avant, je me posais genre au rayon manga, au rayon des bandes dessinées, et je lisais. Genre, vite, il faut que je lise le plus possible. Fnac, après, j'avoue, Auchan. Ah ouais? Ah ouais. Le fait d'avoir tout? Il y a tout à Auchan. Ouais, mais ça, genre ouais. Vraiment, moi je sais que, là par exemple, bon, je ne dirai pas où je vis, mais je sais que je vais jusqu'au Auchan de Neuilly-sur-Marne où je vivais avant. Ouais. Et c'est là-bas que je fais mes courses. Ah ouais. Et ouais, tellement j'aime, je trouve qu'il est vraiment complet, il y a tout. Et j'avoue, Action. Action, c'est pas mal. Genre vraiment tout, vraiment, je fais vraiment du. Je passe dans chaque rayon et je me dis, ça, je crois que je l'ai pas chez moi. Peut-être que ça pourra me servir, des petites trombones au cas où. Ouais. Je dois envoyer un dossier, ça fait très professionnel. J'en ai besoin. J'ai une agrafe, les gars, j'ai une agrafeuse chez moi. Vous rendez pas compte. Mais moi aussi, j'ai une agrafeuse. Moi, à une époque. J'ai une agrafeuse sans agrafe. Donc on le sait. Voilà, c'est l'icône. Mais moi, à une époque, moi maintenant, quand j'étais très dans l'écriture et que voilà, je suis auteur, je veux avoir des espèces de post-it de plein de couleurs, oui, et oui, oui. Je passais ma vie à Office Depot. Ah j'adorais aller à Office Depot parce qu'il y avait plein de formats de feuilles. Et puis j'aimais bien l'ambiance. Et puis des fois je faisais imprimer mes scénarios. Enfin j'adorais aller à Office Depot. Ah, tu peux faire imprimer là-bas? Ouais, bien sûr. Mais même moi, ma thèse de fin d'études, etc., j'ai fait tout ça là-bas. Et du coup, je m'y sens bien à Office Depot. Ils vont faire une pub. Non, bah après maintenant. fais tout par ordinateur maintenant, j'en ai plus trop besoin, mais, c'est vrai, mais c'est vrai. Non, j'aime bien. Et, ah non, et les post-it, tu utilises. Ouais, les post-it, j'utilise. Et Nose, moi je préfère Nose à Action parce que jamais allé, Action c'est très rangé, c'est mais bien rangé. Ouais. Et moi ce que j'aime bien à Nose, ah ouais. Et c'est ça que j'aime bien aussi dans Prime. Attends, pour toi c'est rangé Action. Oui. Mais Nose, c'est quoi? C'est la Kermesse. Parce que moi, je suis jamais allé. Mais ça moi, je suis allé déjà dans un Primark, par exemple. Oula, ouais, ouais. Non, mais tu vois, Primark, c'est, bacs, c'est le bordel. C'est des bacs. Ouais, les gens prennent les fringues et les repos. Bon, Nose, c'est pareil. C'est un peu. Là. Mais attends, mais non, mais en quoi je c'est exceptionnel? Une angoisse, déjà. Ah ouais, en moi, quoi c'est exceptionnel? C'est que c'est Stéphane Bac. Oh! En quoi c'est exceptionnel? Voilà, parce que c'est une petite chasse. J'ai besoin de penser à Mouji pour me mettre bien. C'est un peu, ça rejoint ce que tu disais, Fadili, de, mais est-ce que j'ai pas besoin de petits trucs? C'est que d'un coup, ça devient une chasse au trésor. Ouais, c'est oui. ça. C'est ça que moi j'aime bien chez Nos, c'est que t'es dans le rayon bouffe et il y a un DVD de Jean-Claude Van Damme. Tu vois oui. ce que je veux dire? Et d'un coup. Ça, c'est un cadeau. Et moi, okay, j'adore. Ça me plaît, et tu okay, ça me plaît. Ok, j'avais pas prévu ce petit DVD de Jean-Claude Van Damme et je le prends avec moi. Et t'es ça, un digger, t'es un digger. Mais alors, j'adore diguer. Nos, il y en a un. Enfin. Ah, comment on appelle ça? Il y en a à Célestat en Alsace, ouais. mais je savais pas qu'il y en avait en dehors. Je croyais qu'il y en avait partout, que dans partout. Les... Ouais. Les magasins Auchan, tu en parlais, ah, Fadili, oui. tu en es folle. Ouais. Ils ont aussi lancé un concept assez surprenant. Est-ce que vous savez ce que c'est? Alors, étant alors, donné que vas-y, j'ai ma carte Wahoo, voilà. Okay. Qu'est-ce que ça peut bien être? Est-ce que qu'est-ce tu l'as eu, toi? Est-ce que tu l'as eu avec la carte Wahoo? Attends, ah, c'est dans tous les Auchan ou pas? On va voir si tu l'as. Mais c'est dans tous les Auchan? C'est pas dans tous les Auchan. Parce que moi je vais à Auchan. Il y a un Auchan vraiment juste à côté de chez moi. Non, je pense que j'ai c'est pas plutôt... fait mes courses depuis 3 semaines. Donc Aïe. L'enfant ne nourrit plus. Hélas. il a appris à chasser. C'est une nouvelle corde à leur arc. Ah, c'est peut-être que tu ramènes des affaires et tu les échanges? Non, c'est pas. Alors, c'est pas un truc d'échange, mais c'est un peu un truc d'affaires que tu récupères. Ils rachètent des trucs, ils recyclent. Alors, c'est une façon de recycler. Des trucs d'occasion. C'est un peu un truc de recyclage et d'occasion, mais. Un peu avec un peu de jeu, un peu d'amusement. What? Ah, c'est pas les blind box. Loterie. C'est ça, c'est des blind box. En tout cas, c'est l'équivalent. C'est des caddies mystères. Caddies mystères. Oh. Ouais. Les magasins Auchan mettent en vente depuis plusieurs mois des chariots de produits invendus recouverts d'un film plastique opaque que les clients peuvent acheter sans savoir ce qui se trouve à l'intérieur. Oh, j'ai pas confiance. Ouais, moi je déteste le concept, mais bon. Ouais. Et cette offre peut être une bonne affaire. En effet, la sélection cachée qui ne peut pas être prise ni échangée, donc déjà tu sens que voilà, coûte le tiers du prix initial normalement. Oui, mais bon, tu sais pas ce qu'il y a dedans, donc c'est vraiment un truc de consommation étrange, tu vois. Ouais, une opération qui suscite l'intérêt des consommateurs, mais surtout TikTok. Ah bah, parce que les gens s'amusent. Ah, ils font des unboxings. Michou va faire ça, c'est sûr. Près de 45 magasins Auchan ont mis à disposition de leurs clients des caddies mystères. Cette initiative du magasin de Dieppe, par exemple, en Seine-Maritime, a été créée pour relancer les ventes et a été imaginée par un salarié qui a découvert le concept en regardant une émission américaine. Oh, ok. Ouais, moi, je suis pas très. J'aime faut pas voir trop. Ce qu'il y a dedans. C'est des trucs un peu essentiels. C'est ça, moi j'ai peur de gens qui se disent ah c'est le tiers du prix, qui ont envie d'acheter à bouffer et c'est que du shampoing ou des trucs comme ça, tu vois. Bah, non, ouais, mais, de ouf. Ouais, ou s'il y a de la viande et tout, enfin tu vois. Tu vois, c'est ça. Je fais bon bah. Et puis après, je pense qu'il y a un truc, donc ça s'adresse à des personnes qui sont déjà un peu plus pauvres que la moyenne et tout ça parce qu'ils sont dans le besoin. Et je trouve qu'il y a un côté un peu comme au Japon, gacha, à savoir un peu une loterie. Et je pense que ça peut pousser à la consommation. Et genre, ah merde, j'aurais voulu plus avoir ça, donc ils vont racheter encore d'autres personnes. Et je pense que c'est un engrenage pas ouf. C'est quoi. Ça. Si t'es sensible au jeu et qu'en plus si t'as pas de sous, c'est vrai que c'est. Je suis un peu pas ouf. Le capitalisme, je déteste ça. Toi, tu détestes le capitalisme. Ouais, non, mais voilà, je le dis. Non, après, moi, je sais que ça a rien à voir, mais j'ai un ami, un voisin, un ami. Un frère. Frère. T'allais te présenter au présidentiel pour moi. C'est grave. C'est Hakim. Non, mais je connais quelqu'un qui, par contre, lui, il a une épicerie solidaire. Ouais. Okay. À Neuilly-sur-Marne, là où je vivais, il y a plein de choses qui se développent là-bas, c'est trop cool. Et en fait, ils vendent vraiment les invendus des supermarchés et tout ça, mais des trucs de bonne qualité. Des fois, c'est des trucs juste. L'emballage, il est un peu ouvert, mais genre tout est intact à l'intérieur, d'accord. Et du coup, ils jettent. Et en fait, ils vendent tout ça dans son magasin à prix. Enfin, vraiment très ridicule. Ça, c'est mortel. C'est le côté mortel. Opaque en fait qui est chiant. Ouais, vraiment. En fait, c'est le côté jeu de Auchan que je trouve pas ouf. C'est ça, oui. Parce que moi aussi, même dans mon supermarché, justement en Bourgogne. Il y a ça, il y a un bac des fins de vie en gros, que les trucs faut que tu les consommes ce soir parce que demain c'est périmé machin. Et ça, c'est vachement bien, tu vois. C'est trop bien, et t'as des vrais produits de fou, quoi. Ouais, bien sûr. Moi, je fais des loots de pain poilane. Mais je te jure, à chaque fois, les dernières chances, ça tout, peut être dans mon congélo. Un loot de pain poilane. J'arrive même pas à le dire. Loot de pain poilane. Oh là, c'est fou. Attends, loot de pain poilane. Mais non, loot de pain. Mais c'est quoi déjà? Pain poilane. Ah oui. Ah, pain poilane. Ah, c'est bon. L'eau de pain poilane. Pas poilane. Ouais, tu vois, je suis pas acteur, moi. Pas poilane. Non, non, mais ça c'est bien. Et du coup, dans mon cochon, j'en ai plein. Et c'est vraiment les trucs dernière chance. Hop, tu fais ça quoi. Bah, c'est comme à une époque où il y a certains commerces qui disent bah vas-y, on met des légumes moches. Ouais. C'est très récent ça aussi. Ah, ouais, c'est bien aussi. Donc, c'est cool l'initiative. Chaque année, le journal de Mickey dévoile la personnalité préférée des 7-14 ans. Je vous le demande. Mickey ? Le top 10. C'est le journal, c'est les... le pas journal... Mickey lui-même. Le journal de Mickey. Journal de Mickey. Non, non, mais ça, c'est pas le journal de Mickey. Ah bon ? Non, ça, c'est la maison de Mickey. Ah, la maison c'est de Mickey. Le journal de Mickey. On fait des remixes aussi. Bah, oui, voilà. Des... Non, mais après, c'est... dès qu'on cite un truc, faut que tu trouves le. Ouais, grave. Non. C'est... Okay. Si t'as pas le slogan. Non, c'est la personnalité des lecteurs du journal. Alors attends. La personnalité préférée de Mickey, c'est Alain Soral. D'ailleurs, je vous le dis. Ah ouais. Je suis désolé de vous le dire ce aujourd'hui. Égalité. Réconciliation. Oh, c'est dans tous les bouquins. C'est pas moi qui le dis. C'est pas moi qui le dis. C'est dans tous les bouquins. Il a chafroute. Je l'ai frappé. Il a fait caca. Comment ça me parle poliment? Comment ça me parle poliment? Pardon pour cette interlude. Pardon. C'est Mickey qui a intervenu. C'est Mickey pardon. Qui est fan d'Alain Soral. On est désolé. Merde. Est-ce qu'il y a des youtubeurs? J'imagine qu'il y en a quelques-uns. Il y en a pas le moindre. Ah quoi? Ouais. J'aurais mis Michou direct. Non, Michou n'est pas dans le top 10. Donc c'est. À mon avis, ça traduit le fait qu'ils ont mis n'importe quoi. Ils n'ont même pas demandé à des enfants. Oh, attention, Mickey fait du free fight. Il peut te retrouver. Non, mais. Cyril Gane, ça pète la gueule. Ce serait marrant qu'il soit dedans. Regarde le breton, genre. Ouais, alors, il y a pas mal de sportifs. J'étais assez. Bon, pas surpris, c'est assez logique. T'es Giriner. Mbappé. J'aime T'es Giriner. Il n'y a pas Mbappé. Oh non, bon, là c'est ah vraiment... si pardon. Ah ouais, pardon, évidemment, j'allais dire là vraiment. Ouais non, déjà non. Que c'est clairement les mecs de la rédaction qui... il est 4 mais je crois pas, je pense qu'ils ont bossé. Non parce que quand j'étais abonné au journal de des Mickey YouTubeurs, quand j'ai écoute-moi bien quand j'ai mais est-ce que des gens qui regardent YouTube achètent le journal de Mickey? Tu vois, c'est oui, c'est... oui. Ouais, est-ce que les lecteurs du Parisien regardent Combini? Tu vois ce que je veux dire? C'est est-ce que tu es non, sur mais les deux? Bah, je... mais attends, les enfants ils consomment tout et n'importe quoi. Ah ouais, bah pas la mienne. Ouais. Moi, je la tiens très éloignée des écrans. Est-ce que la... Elle fait que lire des livres. La patte patrouille. Il y a pas la patte patrouille. Alors c'est des gens qui existent. Ah, okay, donc oui, Mbappé est quatrième. Donc il est pas dans le top 3. Il est pas dans y a top pas Omar Sy. Ouais, ce que j'allais Omar dire. Omar Sy est 9ème. Mais c'est fou. Mais les enfants, ouais. Genre les enfants. Lupin, c'est mais pour tout. Mais il y a un enfant, Lupin. Rien. C'est pour toute la famille, Lupin. Oh là là. C'est clairement le gars. Lupin, voilà, on lui a dit, au fait, t'as interviewé les enfants pour le top 10. Il fait. Ouais, grave, il a tapé comme ça. Non, mais effectivement, la présence de Jean-Jacques Goldman, 6ème. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Non, mais bon. Journal de Mickey là. Désolé, on est en train de vous call out. Non. Interviewer au moins un enfant. Si vous êtes. Écoutez-moi bien. Si c'est pas le cas, ne le faites pas. Mais si vous êtes journaliste au journal de Mickey et que vous voulez défendre le fait que vous ayez bossé, envoyez-moi un MP, je lirai. Okay, d'accord. Je lirai, j'ai envie d'écouter non, tout le monde. Envoyez oui. un vocal. Et on un vocal, passe ah oui, on vous passe à l'émission. Okay. Non, mais là, il y a des gens qui vont se faire passer pour. Je vérifierai la, le statut. Ouais, je vérifierai la, ça peut être changé. Ça ouais. Déjà, mais je vous avez tout gâché. Vous avez déjà tout gâché. Il faut rien faire. Pour les enfants. Une chanteuse. Alors oui, c'est imaginez des trucs très connus. Alors il y a qu'une seule femme. Ah ouais, et c'est une chanteuse. Oui, une enfant. Okay, donc c'est vraiment le gars qui a qui, Aya Nakamura Non, elle est ce dans un top marrant. 30, je crois, mais elle n'est pas dans le top 10. Ouais, donc déjà, Natacha une française Saint-Pierre. Ou pas Non, c'est pas une française. Ah, c'est pas une française. Non, mais enfin, c'est une belge. Angèle. Angèle, exactement. Ah ouais. Elle est 9, elle est 8ème. Ouais, bon. Et c'est la seule femme du truc, donc les autres. C'est que des cums. Pas mal de sportifs, encore une Kev fois. Adams. Kev Adams n'en fait pas partie. Okay. Attends, des sportifs. Il y a d'autres footballeurs ou pas? Il n'y a pas Teddy Riner. Giroud. Il y a Olivier Giroud, exactement, 6ème. Okay. Ouais. Les 7-14 ans, ils font. Bah, Giroud, ouais. J'adore. Mais Giroud, il était même dans les premiers à hein, une époque. Bon, ouais. Oui, non, mais des Français, je veux bien. Des enfants. De 7 à 14 ans. Les bon. Faut être un peu pointu t'as dans la génération pour ah ouais dire c'est Giroud ouais, bref, sûr. Quoi. Ah, genre, peut-être ça se trouve en fait depuis le début c'est un pote à Giroud qui fait les qui fait lui-même les c'est Giroud. Oh j'adore Olivier. Oh, j'adore. Il est super sympa. Oh, le but à la Zlatan qu'il a mis là. Oh, incroyable. Oh. Des okay, sportifs ouais, mais du coup, là, y a d'autres footballeurs ou pas? Oh bah non mais pensez des gens connus juste. Il y a d'autres footballeurs ouais. Macron. Non, c'est pas un footballeur. Il y a Jordan Bardella, malheureusement. Malheureusement, ouais, il est partout. Non, il est pas là. Bah, il est dans la. C'est ouais. En plus, on en connaît plein des Griezmann. Sportifs. Griezmann. Non, deuxième, Griezmann. Oui, bon, devant Mbappé. Didier Deschamps. Il y a pas Didier Deschamps. Griezmann devant Mbappé. Griezmann est devant Mbappé. Ah, donc c'est en plus un mec raciste oui, qui a non, fait mais... le top. Bon, alors, là, c'est sûr qu'il va pas me laisser d'audio. Je pense que c'est Soral, c'est Soral vraiment. Donc Sardou en deux, j'imagine. Non. Le premier n'est pas blanc. Le premier est un Renoir. Okay. Ah ouais, ouais. Ah, Black M? Non, pas Black M. Non. Ah, c'est allé... Soprano. Soprano. Ah oui. Sopram Baba. Sopram Baba, comme tu dirais. Les enfants qui ont entre 7 et 14 ans maintenant. Alors, les... oui, wow. Soprano. Ah oui, ah non, Soprano, je crois que tu te rends pas compte. Ouais, moi, ouais. Parce que je pensais un peu comme toi. La, la, la. Tout le monde. La, la, la. C'est des milliards de stades. Enfin, moi, j'avais sous-estimé Soprano. Non, Soprano, il est. Ouais, ouais. C'est très, très gros, Soprano. Ah ouais, Soprano. Donc, ouais, Soprano, Griezmann, le troisième. Ça, on l'entend, il est dans plein de choses. C'est ni un sportif ni un chanteur. Pascal Pro. Pas Pascal Pro. Jeff Panaclock. Non, pas Jeff Panaclock. On est, c'est pas un artiste. Ok. Mais on l'a vu dans beaucoup. Pas un journaliste, mais on l'a vu dans beaucoup de médias. En fait, il a un métier. C'est le mec le plus connu de son métier. Samuel Etienne. Okay. Non. C'est le cuistot là de McFly et Carlito. Non. Avec la grosse moustache. Il est pas animateur. Il est pas animateur. Pas animateur, non. Ah, Etchebest. Non, pas Etchebest. Non, mais voilà. Là, on dit Cyril Lignac. Non, c'est pas un cuisinier. Bien, non. Croquant, ah. Bien. Je sais pas, je. Non, bah, ça me va. Camille Combal. Non, pas un présentateur télé. Attends, quel... Non, c'est un métier. C'est, pas... c'est le king de son métier. On attend. Dès qu'on parle de ce métier-là. Nikos. Non, ben non, animateur. Non. Ouais. Alors, c'est pas un animateur. C'est un danseur. Pas un danseur. Attends. Donc, c'est pas un métier artistique. Il fait aussi de la musique, mais c'est pas pour ça qu'il est connu. Il joue d'un instrument. Passe-partout. Non. Ah, il joue du sax. On peut le dire. Ah, Thomas Pesquet. Ibrahim Alouf. Thomas Pesquet. Bah oui. Thomas Pesquet. Thomas Pesquet. Donc Soprano, Griezmann, Pesquet, Mbappé. Je vous dis les autres. Zinedine Zidane. Non. Ils connaissent même pas. Ils connaissent pas. Peut-être c'est les parents. Moi je me dis peut-être ça se trouve c'est les parents qui remplissent aussi. Olivier Giroud. T'apportes trop de crédit aux journalistes. J'ai énormément de respect pour le journal de Mickey. On a traîné ce média dans la boue du journal de Mickey. Alors qu'ils ont fait de très beaux reportages. Le formulaire n'a pas touché les mains d'un seul enfant. C'est sûr et certain. Big Flo et Oli, 7ème. 8ème, Angèle. 9ème, Omar Sy. Et 10ème, Vianney. Non, bon, allez. Allez, non, mais non. Vianney aussi, il plaît aux enfants. Non, pas du tout. Non, à aucun moment. C'était qui votre idole quand vous étiez petit? Vous, Fadili, par exemple. Moi, j'aimais beaucoup Raven Simonet. Je connais pas du tout. Phénomène Raven. Ah ouais. Ouais, j'aime trop. Ouais, genre. Elle bloquait et on zoomait dans son œil. Ouais, ah, c'est ça, c'est ça. Ce que j'allais dire. Mais je connais pas. Mais moi, j'avais des petits crushs sur les héroïnes Disney Channel. Elles étaient très bien choisies. Ouais, Lizzie McGuire. Après, t'avais les mecs, t'avais Fil du futur. Ouais, mais même les meufs de dessin animé, genre Kim Possible. Kim Possible. On comprenait rien. Ah ouais, rien du tout. Trop vieux, je pense. Et il y avait la sœur de drôle de. De drôle de frère, oui, la sœur de Chia LeBeouf. Ouais. Ah, la famille Stevens. La famille Stevens. J'étais amoureux de la sœur. Martin Mystère. J'adorais la sœur. Non. Eh, vous avez connu Archie Mystère et compagnie? Elle, on le regarde et on dit non. Non. Pas du tout, là. Non. Elle va voir Goldorak, là. Ouais, c'est ça. Bob l'éponge. Archie Mystère, non, je regarde. Ah, vous connaissez pas? Je connaissais Archie Mystère et compagnie. Et les Creepy Crawlers? Creepy. Ah, bien sûr. Creepy Crawlers, du coup. J'étais amoureux d'eux. La cour de récré. La cour de récré, bien sûr. Bien sûr. Pam, pam, pam. Randall, c'était la petite queen, qui allait voir la maîtresse tout le temps. Gretchen. Ouais, et j'avais les mêmes machin noms. DJ des Twilers, c'est pas le meilleur nom. Quoi? DJ des Twilers. Twiler. Incroyable, c'était le héros. C'était sa casquette, il avait un casquette à l'envers. Et un petit blouson de Loubar. Grave. Ça me plaît pas du tout. J'adorais la cour de récré. C'est trop bien. Ils avaient fait un film qui était très décevant. Parce qu'ils avaient fait ce truc qu'il faut jamais faire. Il y avait une histoire d'amour entre les potes. Ah oh non! Il faut jamais faire dans les séries, toujours c'est tout. Ah ouais, on va dire ça à Friends. Bah c'est pas toujours réussi dans Friends. Et Arnold, en vrai, Elsa Pataky. Pas toujours. Elsa Pataky, mais on avait des vrais dessins animés. Ah bon, ça... Il y avait Et Arnold, il y avait les Razmoquettes, il y avait. Non, les gars. Ah, tout ça, t'as jamais regardé ça? Non. Et Arnold, ça commence à. T'étais ado, mais c'était encore. Je ne regardais pas les dessins. Moi, des ouais. Toi, tu lisais des livres. Ouais, des bouquins, genre. Non. Je lisais Creepy Crawlers. Après, la question, c'était pas. Oui, nos idoles, c'est vos idoles. Non, idoles. Non, on est parti là-dessus. Oui. Laisse-moi tranquille, en fait. C'est un petit bonbon. Mais c'est stylé de montrer à des. De faire découvrir à des enfants des trucs. Moi, je lui ai fait découvrir Tom et Jerry. Oh, il a kiffé. Ah ouais, kiff de ouf. Ah putain, moi, elle était trop petite encore. Elle a pas compris que c'était marrant quand il se faisait mal encore. Elle est genre un peu. Elle est pas bien encore. Ah, bah bien sûr. C'est vraiment des énormes coups de maillet. Ah ouais, vraiment, trop marrant. Non, et puis t'as même le chat, en vrai, souvent, le pauvre. Donc il essaie de bouffer la souris, c'est une chose, mais en plus il se fait défoncer par un yinche. Mais la maîtresse, elle est horrible, elle le chope, elle dit attrape cette souris, il la chope pas de l'épisode, elle le chope par le chope beau, à la fin, elle lui dégage. Donne un coup de pied au cul. Ah non, mais il lui arrive que des trucs ouf en plus. En fait, moralement, il se mange des trucs dans la gorge. Il y a un épisode où il est alcoolo, Tom, ah ouais. Il tombe dans la... Non mais tu sais genre il se prend une bouteille dans la gueule, elle tombe dans sa bouche, oui, et il boit tout. Et en gros le concept c'est quand il est bourré, il est sympa avec ouais, Jerry et mais il est trop drôle cet épisode. Qui a eu cette idée? Et il envoie chier sa maîtresse. C'est-à-dire qu'il y a sa maîtresse qui l'engueule et il est bourré, il fait Miaou. C'est devenu chat calmant encore. Miaou. Alors, mais vraiment, c'est des épisodes très marrants. Non, une belle morale en tout cas. Ouais, ouais. Buvez, ça vous donnera du courage et vous serez sympa. Et dans le film Tom et Jerry, ils avaient tout gâché. Grave. Parce qu'il y a une histoire d'amour entre Tom et Jerry. Déjà, non, ils avaient tout gâché. Pourquoi? Parce que Tom et Jerry parlent. Ah, bah dans non. Les derniers là. Dans les derniers, dans le film. Ouais. Dans le film. J'ai pas regardé le film. J'étais allé voir le film au cinéma quand j'étais petit. Et d'un coup, ils font salut Tom, qu'est-ce qu'il y a Jerry? Vous avez tout gâché. Tout tué. Ils parlent ensemble déjà. Et ils deviennent potes. Non, mais le film, ils ont rien compris. Non, non, c'est pour ça que j'ai rien compris à Tom et Jerry. Mais pas compris le concept. Et en plus, c'est en live action. C'est... Ils ouais, et c'est interprété par Alex Lutz et Clovis Cornillac. Et tu sais quoi, c'est un bon cast. Ouais. Alex Lutz en Jerry et Clovis Cornillac en Tom. Un peu les abusés. Ouais, je peux acheter. Ah non, franchement, ouais. Dès que ça parle. C'est là où on critique beaucoup les IA, mais la petite affiche qu'on va faire de Tom et Jerry avec Clovis Cornillac, elle va peut-être vous réconcilier. Cette semaine à Dallas. Je voulais savoir l'idole d'Adrien, moi. Ah bah, ouais. Bah moi, Alain Chabat en vrai. Hein. Ah bah, déjà, oui, genre. J'avais 10-11 ans quand je regardais moi les nuls l'émission. Ah oui, je pensais enfant, ok. Ouais, ouais. Ah bah, oh, ça marche. Ah, non, c'est mais... pas enfant, 10 ans. Excuse-moi. attention, je vous vois venir. Non, je te voyais à 7 ans, les yeux. Quand t'étais tout petit, non? Et tu regardais pas de dessin animé? Ah, on redéfinit les règles quand on la réponse ne correspond pas. C'est une discussion, Adrien. Bien sûr. Alors toi, c'était qui? Non, mais c'est. Oh, mais très bonne 10 réponse. 10 ans, c'est pas enfant, c'est 7 ans. Bon, d'accord, pardon. Mais parce qu'on était partis dans les dessins animés, c'est pour ça. Vous avez pas dit, vous avez pas répondu. Quelle était ton idole un peu plus grande quand t'étais ado, par exemple? Non, mais vous avez pas répondu pour enfant, vous avez pas répondu. T'avais pas un chanteur, une chanteuse? Oh, moi après c'est les classiques hein, Beyoncé, c'était mon âge, c'est ma génération, mais moi j'avoue que après à l'adolescence mais c'est pas un vrai perso quoi. Bah non, mais attends, moi c'était vraiment genre Legolas. Ah ouais. Oui, on revient encore au Seigneur des Anneaux. J'adore. Voilà, on y retourne. Legolas, c'est non, mais genre non, vraiment. Non, il est pas tant cité que ça. Ah non, moi genre vraiment c'était vraiment quand il surfe sur la queue bien du sûr. Ouais, là tu peux c'était te tellement stylé. Sur la trompe de l'éléphant. Bah, ou même ça, quand il descend avec un bouclier, il descend genre les escaliers là au gouffre de Incroyable, ce plan. Après il prend une flèche. Quelqu'un comme ça, après il tire. Oh, ah là là. Quel elfe! Il a vraiment une gueule de surfeur et du coup, vraiment, ils le font surfer. Ouais, film, grave. Il fait, oh, après, il fait sa farte. Ah ouais, ah, moi je t'ai cassé. Trop. Genre, je t'ai cassé l'orque. Gimli, je t'ai cassé. Il était incredible. Mais ouais, moi je dirais de mon adolescence, c'était ça. Et pas Aragorn? Ah non, pas du tout. Ah ouais? Ah non, Aragorn, très fort et tout, mais. Un peu vibe de Clodo. Mais c'est là où je suis un mec. Non, tu vois qu'il pue. Ouais, il pue. Ah, bah, quand il ouvre la porte, là, tu dis non, ferme-la, ferme-la. Ferme cette porte. Il a plus de 80 piges, c'est très bizarre. Il sent le prépuce de Michou. Ouais, c'est ça. Oh. Bien bloqué dans un caleçon. Ouais. Cette semaine à Dallas, un objet culte du cinéma a été vendu 718 000 euros. Pardon, dollars, excusez-moi. Dallas. Ton univers impitoyable. Bon, ça, Adrien, tu l'as. C'était ton idole Dallas, de jeunesse. C'est ton idole de jeunesse, Dallas, JR. Non, un objet a été vendu. Je t'emmerde. Un objet du cinéma a été vendu 718 000 dollars. C'est pas issu d'un truc Planet Hollywood et c'est l'armure de vampire. Non. Non. Tu pensais que c'était quoi l'armure de? L'armure du vampire de. De Blade. De Twilight. Non, de Dracula. Hein. Ah non. De okay. Dracula de Coppola. De Coppola. Ouais. Coppola. Coppoman. Non, mais j'ai entendu un truc comme ça, mais okay, j'ai pas retenu. L'armure de Robocop. C'est... Non, de Biocop. Robiocop. Robiocop. Oh, Robiocop, peut-être le titre. Oui. Donc, Bebop. Non, utilise des sacs réutilisables. Pas de sac en plastique ici, vous avez 3 secondes pour le poser au sol. Non, c'est un objet d'un film vraiment culte, très connu. Une jaquette. Pas une jaquette, non, c'est vraiment dans un film. Le parrain. Pas le parrain. La voiture. Pas une voiture. C'est un objet pas si massif, hein. Il coûte très cher, mais il est pas très grand. Je peux l'avoir. Un vif d'or. Pas un vif d'or. Attends. Ça vient pas d'une saga, c'est un film. Un film américain. Américain. Un des plus connus. Ocean Eleven. Non. Jurassic Park. Non. Un des plus connus. Merde. Ouais. E.T. Non. Plus récent, pas Spielberg. Ah, plus récent. 97. Oh, je vous donne l'année de sortie. Et oh, bah, le facile. Genre, c'est quoi je le mets. Genre Ça réduit, disons. Je joue beaucoup à un jour un film, donc je peux te dire. C'est genre, je dirais un peu drame. Un drame. Un truc de... La ligne verte. C'est un gros film, c'est un blockbuster. Forrest Gump. Pas Forrest Gump, pas La ligne verte. J'en place une, c'est totalement perso. J'en place une pour Arthur qui a déjà deviné le film. Ça va. Ah ouais. On joue, lui il connaît okay. Ah, ça oui, va Arthur. Oui, non. Tu as deviné déjà Arthur. 97. 97. Bah, c'est un film de science-fiction un non, peu. Non, non, mais c'est... En fait, non, le problème, non, c'est... non, non, dis juste non en fait. En fait, pas l'humilier. Alors, en fait, j'ai dit non, non, non. Et j'allais continuer ma phrase. Ouais, c'est ouais, pour ouais, ça. Ouais. Non, en fait, c'est un film. C'est un gros blockbuster, mais c'est. Si je vous dis le titre du film. Vous c'est allez trouver indice. La réponse tout de suite, ouais, je c'est pense. Un, c'est un gros indice, ouais. Non, mais on cherche pas le titre. Ah, on cherche Titanic, l'objet. T'as raison, bon, Titanic. Ouais, une fois qu'on a trouvé. Titanic. Oui, oui. Ah, ah la les bague. Bijoux. Non, pas la bague, pas les bijoux. Ah, je pensais que ça allait aller très vite. Le bateau, ah, la ils l'ont retrouvé. La porte. La porte mais sur laquelle. Non, la ça, planche en vu. Bois, la porte ah, sur laquelle. Sur laquelle se met... s'oppose. Oui, c'est, voilà. c'est une... Je crois que c'est une planche en bois. Je sais pas ah si ouais, c'est une porte. Je crois que vraiment. C'était une porte de placard, je crois que c'était. Mais... Peut-être. Pour moi, il y avait une porte, effectivement. Parce que les gens disent qu'il y avait la place pour deux, donc une planche, ouais. Ça me paraît. Oui, oui, ouais, non, mais t'as raison, je sais pas. C'est vrai, il y avait de la place pour deux, ils sont pas montés. Dans un communiqué, la maison de vente indique que son événement baptisé Les Trésors de la planète Hollywood. Et donc, il avait l'armure de Dracula. Il y avait ça, il y avait même le foie d'Indiana Jones et la hache de. Shining, tu vois, donc il y avait plein de choses. Wow. The Shining, hein, pas Shining. Shining, voilà. Chaiti. Voilà. Plus de 1600 objets ont été vendus, effectivement, cette planche. Et d'ailleurs, la place pour deux, sachez que James Cameron, qui est un peu un gros bébé, mais que j'adore, il a carrément fait le test dans des bassins avec plein de possibilités pour prouver que non, il y avait pas la place pour deux, il s'est pas trompé. Non, mais en plus, même s'il y a la place, ça veut pas ça forcément dire qu'il ça serait stable. Mais c'est ce qu'il disait. Il disait, ah, en oui. fait, la place pour deux, c'est ce qui. Et du coup, il a fait, je crois, une semaine de simulation. Oh. Mais moi, j'adore. Oh, c'est drôle. Moi, moi j'adore. En fait, je pense que c'est pas un gars facile sur un tournage. Mais bon, en plus d'être un très grand réalisateur, j'adore le truc qui se dit je vais vous prouver que j'avais pas ouais, tort. Ouais, arrêtez grave. De m'emmerder. Ouais. Mais je comprends ça, totalement. Et pour moi, il y a un peu de toi. C'est ouais, arrêtez de m'emmerder. Je repasse à la scène, elle était bien triste. Hein. Bah ouais, ah, c'est vrai. Oh, non, vraiment, moment. Je me la refaisais genre. Tristone. Et il tombe dans mais je sais plus dans quoi j'ai entendu ça. Quelqu'un qui disait en même temps, s'il était pas mort, oui. Il y a un côté après, bah écoute, moi j'ai vraiment zéro thune et tout. Qui ouais là, tu vois la suite où ils essaient de trouver un appart. Je crois que c'est dans le podcast Sur Écoute avec Morgane Cadignan. En tout cas, ils en ont c'est parlé. C'est ça, ce oui, c'est là. Ça, c'est ouais. exactement ça. Débat. Après, ouais. il y a leur vie et elle fait, bah moi j'ai, voilà, moi, j'ai quitté mon mari qui était richissime. Toi, t'as vraiment zéro thune, cool, notre vie, elle est horrible. Des chercheurs ont réussi à trouver de quoi se rapprocher le plus l'odeur de l'adolescent. À votre avis, lequel oh Alors attends, c'est un. Tu sens que ça va pas être des ah petites ouais, fleurs ouais, sympas. Ouais. Voilà. Donc c'est l'odeur d'un autre truc qu'on connaît. C'est ça. Ok, c'est un fromage. Oui. Le gruyère. Alors non. Le brie. Non, pas le brie. Le coulommier. Pas le coulommier. Vous avez trouvé vite, on va peut-être pouvoir faire une autre question. Gouda. Non. Les dames. Issue d'un animal. Oui. La chèvre. Le chèvre. Le fromage de chèvre. Ah, ah ouais. Tout simplement. Les adolescents sentent le fromage. De chèvre bon. Fort et moisi. Ah oui, c'est en tout cas, c'est en tout cas comme ça que je me disais, bah plutôt doux et sympa. Non, attendez, je corrige. Laissez-moi finir. Fort et moisi. C'est en tout cas la manière dont le New York Times décrit l'odeur particulière des adolescents. Les non, enfants, c'est abusé, en fait. Quand même, les ados. Mais je vais t'expliquer, les enfants les plus jeunes, par exemple, auraient une odeur plus fleurie. Pourtant, à l'origine, les chercheurs ne cherchaient pas particulièrement à savoir si les uns sentaient moins bon que les autres. Ils voulaient caractériser l'odeur d'un enfant ou d'un adolescent. Dans l'expérience d'origine, ils ont analysé des carrés de coton présents au niveau des aisselles des t-shirts de 18 enfants et de 18 adolescents. Petit twist, ils venaient de passer tous une nuit avec le carré de coton. Non, pas les chercheurs. Est-ce qu'on peut juste dire que le scientifique est juste un immense pervers qui a envie de sentir des ah enfants ouais, pas. Quelle expérience je vais faire aujourd'hui. Si je sentais tes aisselles. L'odeur des enfants est plus fleurie. Oui bon allez. Va en tôle tout de suite. Ouais grave. Les odeurs. T'imagines l'odeur. Quelle est votre célébrité favorite? Mets-toi des bières de coton. Oui, bon, allez. Les odeurs, véritable mélange complexe de composés de volatiles produits par la transpiration sont les mêmes chez les jeunes enfants. Mais à partir de l'adolescence, la production de sébum, cette matière grasse, augmente significativement. C'est justement dans ce sébum qu'il se trouve les acides carboxyliques, rapporte l'étude, des substances au parfum de moisi, de fromage et de chèvre, ainsi que d'autres arômes moins agressifs, explique le New York Times. En plus de ces acides, les chimistes spécialisés ont identifié chez les adolescents des composants absents chez les enfants, les stéroïdes, bien sûr. Ces derniers apporteraient une odeur de musc et une touche de bois de santal, détaille le quotidien américain, nous sommes et à nature et découverte. Bah, tu vois, ils auraient pu en profiter pour leur demander quelle était leur personnalité préférée. Ouais, et comme ça, on aurait une vraie liste. Bah ouais, c'est ça. Bah écoute, voilà des petites odeurs. Vous étiez quel genre d'ado? Ah oui, pardon. Bah oui, quand même, je m'intéresse un peu à vous. Fadili, t'étais quel genre d'adolescente, toi? Donc ça écoutait Beyoncé déjà. Tu veux dire au niveau de l'odeur? Non. Alors, tu peux si tu veux, mais c'était pas la question. Alors, sur quoi? Quel genre d'adolescent? Quel muscle? Non, mais... À moi, j'étais très curieux. J'étais. Non, mais on a tendance à mettre les gens, les adolescents, dans des catégories. Tu vois, est-ce que tu étais studieuse? Est-ce que tu étais un peu rebelle? Est-ce que moi, j'étais pas du tout rebelle. Moi, j'étais très bavarde. J'étais très dissipée, mais très studieuse. Ah, c'est ça. Ouais. Est-ce que tu es la bavarde qui agace un peu le prof? Genre, il dit Fanny, vous pouvez répéter? Et tu répètes la phrase. Est-ce que tu étais capable de ça? Exactement ça. Bien sûr. Exactement ça. Genre, vraiment, tu pouvais pas me. Pas te tester. Pouvais pas me tester. Donc, plutôt bonne note. Voilà, bonne note. Moyenne. C'était pas ouf, mais j'étais bien. Un 12 sur 20 à peu près toute l'année. Voilà. Ouais, c'est exactement. Bien, mais je suis dans ta team. Voilà. Dans ta team. 12 sur 20, on fait le minimum, on se fait pas trop se la raconter en allant jusqu'à 14. Non, mais... ça sert à rien. Parce que 14, c'était déjà. Ceux qui avaient 14, j'étais là, genre. Ouais, bien, ouais. Eh ben. Non, moi, les profs, ils bossaient beaucoup pour ça. Ouais, les profs, ils faisaient cette phrase partisan du moindre effort. Et je ne comprenais pas que ce soit une critique. Genre, oui, bah, je vais pas en plus me casser le cul. C'est bah, oui, peut mieux faire. Alors là... Qu'est-ce que t'en sais? Je suis peut-être au max, en fait. Ouais. Ça, c'était horrible. Mais de toute façon, le système de notes, c'est très difficile. Ouais, c'est très compliqué. De mettre des chiffres. Sur des enfants, sur des adolescents, sur des films, sur Sens Critique. Ouais, je dis ça au hasard. Non, mais tu vois, c'est vrai que c'est particulier quand même. Moi, je me souviens quand on était en primaire, il y avait un tableau avec le nom de tous les élèves, et quand on faisait un truc pas bien, on se mettait une croix. On devait aller se mettre une croix, et en plus, c'était vraiment genre, ce que t'as fait, c'est pas bien, va te mettre une croix, et du coup, tu y allais, tu mettais une croix. Et un jour, je me suis fait péter parce que je m'étais fait embrouiller alors que je trouvais ça très injuste à cause d'une pote. Et du coup, je suis partie, je lui ai mis une croix en dessous et j'ai. Ça part de rebelle là. Ça part de là. C'est bien de le dire aujourd'hui. Voilà. Ça vient de faire amende honorable. Beaucoup de gens n'auraient pas fait ce travail sur soi. Et toi, tu l'as fait, Fadili. Je lui ai mis une vieille croix en plus, genre en pleurant, Tiens. Mais on est d'accord que c'est fou que tous les enfants aient ce sentiment d'injustice. J'ai l'impression que tout le monde, on avait. C'est pas moi, monsieur, c'est elle. Tu vois, ou des trucs comme ça où tu te fais tout le temps. Tout le temps. C'est dur ces trucs d'injustice quand ça t'arrive. Quand t'as rien fait, c'est horrible. Moi. C'est t'as un truc dans le ventre de genre, mais. C'est... Mais genre, c'est pas moi. Le monde, ça charme sur moi. Quoi. Il m'est arrivé un truc où vraiment. J'aurais pu dire nique l'éducation nationale à ce moment-là. Ouais. Tellement. Ah, non, mais j'étais en colère. Ouais, putain, j'étais colère. Je me faisais un peu harceler quand j'étais au collège. Ah merde. Non seulement par un gars à qui me demandait de prendre ma copie pour me copier les devoirs, sinon il me tapait. D'accord. Ouais. Bon, le début est pas ouf. Vous verrez, la chute est encore plus sympa. La prof s'en était rendu compte. Et elle a dit, eh ben d'accord, eh ben je divise la note pour les deux. Oh non. J'avais bossé, je m'étais fait menacer de me faire taper. Oh non. Et on m'avait divisé ma note par deux. À ce moment-là, le petit sentiment d'injustice, tu le sens un peu passé. Bah ouais, ah ouais, parce que non, tu vas relou. Pas faire. Mais non, mais il m'a copié et tout, machin. Le mot harcèlement n'existait pas à l'époque, t'allais pas expliquer ouais. ça, bien sûr. Et du coup, j'avais rongé mon frein. Ah non. C'est ta faute. Oh, le je laissais faire comme un fragile. Adri Gaslight. Ah ouais, mais bien sûr. Mais c'est un truc relou. Très commun, j'ai l'impression, même dans la culture populaire ou même dans les médiums, enfin dans ce qu'on va consommer dans les médias, dans les films, le truc d'injustice. C'est souvent, il y avait des animaux qui sont accusés à tort de quelque chose dans nos films d'enfants. Oui. Et c'est un truc, un ressort qui est tout le temps là. Et je pense que c'est parce que c'était un vrai truc. Hein. Ouais, mais c'est un vrai dos. Hein. Ouais. Moi, c'est surtout quand t'es enfant, c'est ce qui te fait le plus mal. Ah, c'est horrible. Ah, mais c'est horrible. En fait, vu qu'on t'apprend. T'as pas les armes pour te défendre et pour. Et qu'on t'apprend le bien et le mal. C'est-à-dire que tout le concept de ton enfant, c'est ça, c'est bien. Bravo, ça c'est mal, horrible. Ouais. Donc quand tu fais un truc bien, quand tu fais pas un truc pas bien et qu'on dit oh c'est quand même horrible, je pense que tout est fucké dans ton cerveau. Non mais genre c'est Beethoven qui limite on va le piquer. Ouais, parce qu'il a sauvé un enfant de la noyade. Et ça j'étais genre mais je ne pouvais pas cette info, c'était horrible pour bien moi. Sûr. Ah. Mais c'est vrai que moi je me vois avec ma fille, les premiers trucs que je lui ai appris c'est bien, pas bien. Enfin, ouais, c'est ouais, quand même carrément. Le concept de c'est... Et du coup j'imagine l'injustice quoi. Et c'est bien pour... parce que tu montres du coup Beethoven à ton enfant, s'il réagit pas c'est que c'est un sociopathe. Il est détecté comme ça. Genre normal ouais, ouais, bon, factuellement il l'a mérité. Mais piquez le ce chien, qu'est-ce qu'on en a foutu, c'est jamais qu'une bête. Il a des bugs. L'enfant il se met à pleurer parce que l'enfant, le chien il survit. Non. Non, il va encore dégueulasser la maison. Toi Pierre, alors on a parlé des fois parce que t'es plusieurs fois que t'es venu dans l'émission, oui. Mais t'es quel genre d'adolescent? Pour les gens qui découvriraient le podcast, tu vois. Bah après, le truc c'est comment je me construisais dans l'espace. C'était, j'étais en fauteuil, donc il y avait ça. Toujours ce truc-là. Pour revenir quand même pour les gens qui ne savent peut-être un pas. Un truc comme ça, en fauteuil. Donc c'est vrai que tout de suite tu prends une place. Je suis myopathe, donc à l'époque, enfin. Bref, j'étais en fauteuil, tout comme ça, c'était au début. Il faisait du cinoche à l'époque. Il faisait du cinoche, exactement. Il dit, non, mais c'est bon, je peux marcher. C'est bon. Non, mais il sait très bien qu'il me fait souffrir en faisant ça. Le trigger de l'injustice, c'est vraiment le truc qui me poursuit le plus. Non, fauteuil, tout ça, parce que j'étais toujours dans une activité assez forte que je n'ai pas aujourd'hui, à savoir, les cours, c'est long. C'est ouais. fatigant, donc c'était vraiment une aide, des trucs comme ça, et puis même j'avais pas le même suivi, bref. Donc du coup, tu dois construire ta personnalité avec ça. Mm-hmm. Donc c'est vrai que donc, j'étais une personne comme ça, mais un peu néo-métal. Un peu rebelle. Un peu rebelle, jacasse. Donc tu vois, je faisais que de la merde, donc je me construisais assez, enfin beaucoup à ce niveau-là. Bien sûr. Après, il y a une transition un peu dure où tu passes du néo-métal à fan un peu de Libertines. Donc tu sais, tu passes ah, t'as du eu ça, toi baggy into slim. On en a parlé de ça, j'ai l'impression que t'as jamais eu... je découvre ça de ta personnalité. Et si, bah... T'as écouté les Baby Shambles. Ah, mais bah, ouais, incroyable. Après, non, j'ai fait, ouais, néo-metal, rock indé, donc 2004, tous les Strokes, ces trucs comme ça. Ça. Après, beaucoup, tu parles Libertines, Baby Shambles, ah ouais. Brian Johnson Massacre, et des trucs comme ça. D'accord. Après, je me suis re-radicalisé sur d'autres choses, mais c'est vrai, donc il y a le petit changement... La musique, hein, la musique, pour les gens qui découvrent. Oui, oui, oui. Et à ce moment-là, bon, je me suis radicalisé. Non, non, mais Pierre... Nous n'avons rien à voir avec ça. Ouais, ouais, tranquille. Bye, Adrien. Comme moi, comme Kirby, et voilà, avale-moi en fait. Non, mais c'est terrible. C'est mais audio, c'est... on a le droit de bailler. Oui, non, mais bon, je connais ton histoire par cœur là. Mais il découvre. Mais c'est pour les comme gens. Moi, comme Kirby. Mais, j'ai rien demandé, j'ai baillé tranquillement dans mon coin. Fais chier. Ah, bon, il faut allez, dire les choses. Moi, quand je réponds, on me dit non, non, c'est pas du tout. Non, non. Non, il faut le dire. Il faut le dire, les gens, Adrien me suit sur la tournée d'avant-première et c'est vrai que c'est le rythme. Ça c'est m'a détruit. Ça l'a détruit, Adrien. Ah ouais. Ça t'a éteint. Non, et en plus, on a fait une soirée. Ça, j'aimerais quand même vite fait faire un petit détour là-dessus. Au Pirate Paradise. Au Pirate Paradise. Oula là. Est-ce que vous connaissez le Pirate Paradise de Montpellier? Is it Paradise? C'est-à-dire que. Le nom. On nous avait invités donc à Montpellier et en gros, quand on fait une tournée d'avant-première, c'est le gérant du cinéma qui paye son resto, disons, okay. Voilà. Ouais. Et donc il nous avait pris un resto très sympa. Alors, une pizzeria attention. Qui s'appelait un resto italien qui s'appelait Il Ristorante, qui est le comme on dit le là-bas drôle. Il Ristorante. Et oui, donc bon. On arrive là-bas et on voit un énorme logo de pirate avec écrit Pirate Paradise. Ouais, ouais, ouais. Et donc moi bon là, toujours dans les clous, et Adrien dit mais faut qu'on y aille. Et je fais oh bah non mais attends, le gérant du cinéma il a peut-être voilà. Non, mais je dis attends, si c'est je dis je connais pas, mais le nom ça suggère quand même un truc qui genre déco pirate et tout. Ouais. Je fais mais quand même pas. Ouais. Je cherche sur Google, c'est vraiment un truc genre Disney. C'est village, littéralement ah ouais Pirates des Caraïbes. Genre c'est... au bar avec des comment ça s'appelle? Des mannequins en pirate et tout ça. Pourquoi des mannequins? Ah, des vrais des gens. Des serveurs habillés en pirate. Ce sont des mais pirates. Mais attends, mais aussi des mannequins qui parlent avec des voix. C'est la meilleure soirée de avec des voix de perso connus. Genre, il y a la voix, c'est Chandler, mais l'autre, c'est Margot Robbie. C'est-à-dire qu'en gros, il y a de part et d'autre du resto, il y a des espèces de pirates, mais squelettes, qui sont comme ça, accrochés au mur, un peu pendus et tout. Donc tu fais, ah, la déco, machin. Et à un moment, la lumière s'éteint, et ils se mettent à parler entre eux. Salut et les amis. Ils sont animés, ils font, mais dis donc, et alors, machin. J'ai l'impression qu'il y a pas mal de moussaillons aujourd'hui. C'est effectivement. Génial. Arrête. On a des vidéos, on a tout. On a passé une très bonne soirée, c'était exceptionnel. Adrien a acheté un cocktail boulet de canon, il a pu repartir avec un petit bol. L'a acheté avec l'argent d'Apollo Film. Avec l'argent du pâté Montpellier. Merci François. Merci au pâté Montpellier, hein, on les embrasse. Wow. Et à côté, et ça on n'a pas pu le faire parce qu'on arrivait trop tard, mais amis montpelliérains, notez bien qu'on reviendra et qu'on fera ce truc. Il y a une escape game Fort Boyard. Fort Boyard. Oh. Et ça, moi je veux. Ça, on y passera. Avec comment la ça, boule empaillée. On a pas la tragique. Bonjour. Big mets ma main sur ta cuisse. Ça faut connaître. Oui, c'est une soirée, les soirées de la boule. Mais tu te souviens du nom de ce lieu où il y a l'espèce de qui ressemble à Disney Village là? Ouais, non, mais c'est à Montpellier. Effectivement, c'est là où il y a le pâté, où il y a le Pirate Paradise. Fou, ce truc, on dirait. Ouais. Enfin, moi, je suis jamais allé à Disney Village, mais on dirait un truc ouais, des States quoi. Jamais allé à Disney Village? Non, Disneyland Paris, je suis jamais allé. Tout court. T'as jamais été à Disneyland Paris? Non. Ouais, incroyable. Jamais. Mais est-ce après, que moi, je suis pas très. Bah oui. Mais t'as dit que t'aimais bien les parcs d'attractions. Quand même. J'aime les parcs d'attractions. Après, moi, je suis pas très Disney, donc je suis pas. Mais après, Disney, maintenant, vu qu'il y a tout, tu vois, vu qu'il y a Star Wars, non, mais moi, j'ai super héros, il y a Vla, les trucs, c'est tellement stylé. Ah, j'ai envie d'y aller, mais bon, je vais pas y aller tout seul. Quoi. Ouais, invitez-nous, ouais. Franchement. Chers amis, ça fait. Pardon, vas-y. Non, mais c'était inintéressant. Ok, très bien. Ça fait déjà un peu de temps qu'on parle et il y a les recommandations culturelles. Je t'ai même pas prévenu, Fadili. Excuse-moi. Ah, les recos. Non, mais t'inquiète, je trouverai quelque chose. Ça fait quand même 10 piges que je fais ça et je dis encore à dire aux gens. À la fin du podcast, nous recommandons culturellement quelque chose. Ça peut être un film, une série, un humoriste, du théâtre, de la musique. Alors, Maruco, déjà. Pour tous les gens qui ont, je sais pas dire, TDAH, bon tout le monde du coup. non mais tu sais pour justement parler des fidget spinners, effectivement j'ai à ma main des fingers, ce sont trois petits anneaux avec des aimants que tu peux un peu agencer comme tu souhaites et vraiment c'est Banger et Game Changer. Déjà, ça m'a aidé. Fingir, ça s'appelle. Fingir. Fingir. Il faut dire que c'est lui qui. Jette-toi dans le canal. Fingir. Donc, ça est de la pub pour eux. Ouais, bien sûr. N'hésitez pas à le reprendre. Non, mais en vrai, non, c'est trop trop bien pour. C'est steamé, c'est ça, les gens qui steam ou je sais pas quoi. Ah, donc c'est des trucs en fait pour qu'on sait pas quoi faire de ses voilà, doigts. Voilà, c'est quoi, ça, voilà. Si vous avez besoin de fidget ou tout comme ça, voilà, Fingir. Bref, après j'ai une vraie reco. Vas-y. À savoir qu'on m'a rappelé et j'ai vu, j'embrasse Alice, j'ai vu qu'il y avait un jeu qui est sorti que j'avais beaucoup apprécié qui s'appelle Before Your Eyes et qui est maintenant disponible sur Netflix car on oublie, on a tendance à oublier. Netflix devient aussi une plateforme de jeux vidéo. Et donc oui, en streaming vrai. Et tout, tu peux faire ça. Et que maintenant il est gratuit aussi sur Android et iOS. Et le principe du jeu de Before Your Eyes, c'est que tu vit la vie d'un jeune garçon et l'élément de gameplay c'est avec la webcam dès que tu clignes des yeux t'avances dans la vie. Ah ouais genre donc mais voilà réellement toi, avec toi quand tu clignes des yeux physiquement oui toi ok ah, donc, ouais donc c'est jouer à la webcam et donc faut rester les yeux ouverts comme ça tout moi genre alors non l'idée c'est effectivement ça la vie donc y a la vie qui passe et vraiment t'as des beaux moments j'étais dans le jeu genre bah je suis trop heureux ouais ouais je grave. Ne veux pas passer à autre chose dans ma vie oh, je ne vais pas cligner les yeux. Et tu clignes des yeux et t'es genre, oh putain, non. Mon chien est mort. Et bon, la vie avance. Et ça dure 2 heures, 2 heures et demie. Et, ah oui. Et vraiment, ça m'a bouleversé. Et je trouve ah en ouais termes d'écriture et narration. À ce point-là. Je l'avais fait en stream à une époque. Et c'est la première fois que j'ai pleuré en stream. Ah la honte. Et un gros bébé. Fragile de merde. Ouais. Et j'espère qu'ils ont lâché des sods pour ça. Merci Viv Hitler encore, putain. Ça s'arrête pas. Ouais, oh, c'est dinguerie. C'est dinguerie de faire ça. Et non, et Before Your Eyes donc est gratuit. Il y a eu un BAFTA. Il a été multi-récompensé et tout ça. Et c'est gratuit. Et c'est vrai qu'il faut avoir un petit moral et tout ça. Mais c'est absolument bouleversant. Et je trouve en termes de narration, j'aimerais bien voir Before ça à l'écran. Tout ça, Before Your Eyes. Incroyable. Et ça m'a bouleversé. C'est trop bien. Adrien. Moi j'ai une reco. Alors c'est un jeu qui n'est pas encore sorti, mais il y a une démo qui est disponible. Ah, ça Doc Gero là. Exactement. C'est un jeu donc qui est fait par Doc Gero, qui est donc game designer et YouTuber. Donc je recommande sa chaîne qui est cool, qui parle de jeux vidéo, mais de création de jeux vidéo plutôt. Et non, alors je vais pas m'aventurer à essayer mais c'est un peu de la, c'est un jeu de stratégie. Enfin en fait il y a un truc où les niveaux sont sous forme de grilles en fait, t'as des lignes avec des colonnes quoi. Et en gros tu peux cliquer sur une ligne et tu vas apparaître aléatoirement sur une des cases de cette ligne. Donc il y a des lignes où il y a des monstres, il y a des lignes où il y a des trucs à récupérer, etc. Et en fait c'est vraiment un jeu qui est basé sur les statistiques, mais tu peux récupérer j'ai dit que j'allais pas expliquer mais j'explique totalement. C'est très clair. Non, non. Et en gros au fur et à mesure du jeu tu peux récupérer des objets qui vont un peu modifier les statistiques. Par exemple tu peux tuer un des monstres sur la ligne, donc du coup t'as quand même moins de chances de tomber sur un monstre, etc. Et c'est que un truc de, il y a plein de façons de modifier tes chances. Par exemple, il y a un moment, il y a un bonus qui fait qu'au lieu d'aller d'aller sur une ligne, tu vas aller sur une colonne. Donc, tu vois, en jouant un peu de façon maligne, tu peux arriver sur une colonne où toi, t'as supprimé les trucs déjà. Ça ressemble au truc un peu à des échecs en vrai. Enfin, pas dans les règles, mais dans le côté réfléchir autour d'après. Il y a un peu de ça. Et puis, évidemment, tu récupères des objets, des bonus, des trucs, etc. Et c'est très chouette. Et puis, c'est développé par Doc Gero. Les graphismes, c'est Chariot Spiral, qui est un auteur de BD, et là, qui a fait les graphismes. Donc, vous pouvez, la démo est dispo sur Steam, et c'est cool d'encourager, parce que c'est vraiment une toute petite équipe. Ouais, super. Ouais. Trop bien. Voilà. Fadili moi je pensais au spectacle de Hakim Jemili. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Le spectacle d'Hakim Jemili, il fait des dates, je les ai. Waouh. c'est pro. Alors un peu partout dans la France, mais en tout cas à part, vous pouvez aller sur le site hakimgemili.fr et il est au théâtre Édouard VII du 15 mai au 1er juin. Donc vraiment, je vous conseille d'y aller. Et sinon, voilà, je vois Codename. Ah, tu prends Codename. C'est trop bien Codename. Incroyable. Ou en vrai. Ah, il y a son téléphone. Oh là là, tu vas tomber dans une spirale là-bas. Oh non, non, faut pas me dire ça. En gros, sur navigateur aussi, t'as. Bah ouais, c'est sur le site. Ouais. Et tu peux y jouer sur le téléphone, genre quand où tu veux, quand tu veux. Sur le téléphone, j'ai vu une addiction de Adrien Méniel à Marvel Snap. Je suis retombé dans Marvel Snap. Oh là là. Mais tu dis pas. Et c'est gagné pour Méniel, des fois. Ouais, il est là, c'est gagné des pour fois, Méniel. Des fois, je le dis pas à chaque fois. Mais... Ouais. Il me regarde juste à côté de lui. Et vraiment, il me donne un petit coup de coude. Il me monte le doigt, il fait. Et voilà, c'est gagné pour Méniel. Et du coup, ça a été mon jingle de ma tournée d'Azam première. C'est gagné pour Méniel, et voilà. Je suis retombé. Après, en fait, c'est Balatro m'a replongé dans Marvel Snap. Et moi, j'ai une petite reco. Assez rapide. Puisque il y a depuis quelques temps, il y avait un gars qui mettait des extraits du Floodcast sur TikTok ou sur YouTube, et nous on en était pas fous de ce truc-là, parce que moi je trouve ça important que le podcast soit écouté dans son contexte, dans son entièreté. Je trouve que quand on enlève des trucs, c'était vrai, très bienveillant. Il voulait juste mettre des extraits marrants, mais j'avais un truc de nous on n'est pas à l'aise avec ça, est-ce que tu peux l'enlever et... Si ça peut être un message, parce qu'il y a d'autres gens qui le font parfois. Ouais, c'est... Sachez qu'on n'est pas fan pas. Du principe. Nous on n'aime pas ça. Faites ce que vous voulez, mais. Mais on n'aime pas ça. Et. Par contre, ce même gars est parti dans un truc où il s'est lancé dans la transcription de podcast. Alors, c'est une fonctionnalité que certains lecteurs proposaient. Mais effectivement, lui, il a regardé et il s'est rendu compte que c'était pas toujours bien fait. Surtout dans un podcast comme le Floodcast, où on se coupe la parole, où on parle en même temps, etc., etc. Et donc, il a lancé un truc qui s'appelle podcast-transcription.fr. Et je lui ai promis que j'allais faire un big up parce que je trouve ça super bien pour toutes les personnes qui sont malentendantes. Ouais, ou voilà. Ouais, ouais. Et c'est assez dingue. J'ai un peu lu, là, il y avait celui avec Ferrari et Bérangère Krief. Et du coup, il y a même des blagues que j'ai pas entendues à l'oral. Ouais, qui sortent. À un moment, c'est au tout début. Adrien, tu dis je m'adapte, je suis Jarod le caméléon. Et en fait, je suis Jarod le caméléon, tu l'as fait en rêve pendant que Jérémy parlait. Et du coup voilà. Et c'est arrivé très peu que Jérémy parle, donc. Ouais, non, fallait être à l'écoute. Et du coup il y a des trucs sur le Floodcast, sur parole, sur transfert, sur émotion, mourir moins con. Et donc voilà, donc je pense qu'il se fait un peu aider au début par une IA et après il doit le faire lui à la main. Bon, de toute façon la méthode on s'en fout, le résultat est le même. Ouais, ouais. C'est pour une meilleure accessibilité des podcasts et voilà. Donc je voulais lui faire un big trop up bien. Parce que je trouve ça assez cool. Et du coup on va pouvoir générer, une fois qu'il y en aura assez, on va donner toutes les retranscriptions à ChatGPT, on va pouvoir générer des nouveaux. Des épisodes. Des nouveaux épisodes. Avec ouais, des grave. Voix... Sur cette base, qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Et après, avec des voix de Angèle ou de Jean-Marie Bigard, faire des épisodes sans nous. Et là, on touche au sublime. Chers amis, c'est la fin de ce podcast. On fait un dernier petit tour de table. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Adrien, on est ensemble encore un peu là pour. Ah non, la tournée, c'est fini, mais on va à Paris. On va se voir à Paris. On va se voir à Paris. On va moi, se voir à peut-être Paris. Que je serai là sur une ou deux avant-premières c'est ça. Parisiennes. Sachant que celle du UGC Normandie, on a ouvert à d'autres. Il y a des gens qui vont pouvoir prendre des places. On a ouvert. On n'a pas que full invité, donc voilà, là je serai là sûr. Tu seras là sûr. Pierre Lapin, pardon GPT, bah tout le monde est passé ici. Ouais, ouais, et, ça veut dire, chaque épisode est bien différent. Non mais c'est ça qui est cool, c'est que si vous ne connaissez pas ce podcast, vous peut-être commencer avec. Alors moi je suis pas encore là, du coup je suis non, à la semaine prochaine. Là, ouais. Mais il y a Fadili, il est super épisode avec Fadili, ouais. Trop bien. Adrien très drôle aussi. Le parrain. Il y a plein de gens. Il y a plein de gens. Oui, puis on apprécie aussi. Ce qui est cool dans la réception, c'est qu'on peut inviter des gens vraiment complètement inconnus. On fait les mêmes stats et c'est cool. On se fait vraiment plaisir de faire vraiment tout ce qu'on veut. J'ai invité mon pote du lycée là. Génial. C'est trop nos meufs. Et j'ai découvert Rémi Boy qui est vraiment très marrant. Trop marrant. Rémi Boy. Voilà, je le connaissais de nom et je l'avais vu une fois sur scène. Et je l'ai vu en vrai. Il est très marrant. Et puis allez le voir, allez le voir. Tu viens, en fait, ce truc de dire que je suis le parrain de tous les podcasts, je me suis rendu compte que c'est faux en fait. Enfin, bon, bah, on pas tant. Bah, t'es le premier de. Bah, pardon, toi GPT, et Marie et... de Brouwer. Non. Ah bon? Ah ouais? Sur non, parole? Sur parole, oui, mais sinon, voilà, il y en a deux quoi. Donc, c'est pas... Non, mais moi je disais le parrain parce que tu es invité et moi beaucoup moins. Donc c'est pour ça que je faisais la blague. Mais pour moi, t'étais le parrain. Non, mais moi ça me va. Tu as la réussite familiale, professionnelle. Moi, je suis invité dans les podcasts. Ça va? Ça te va? Comme deal? Wow. Attends, professionnel. Attends que le film sorte. Fadili, yes. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors moi, vous pouvez me retrouver très bientôt en spectacle. Sieste, bah oui, c'est ouais, ça. Grave. Ouais, franchement. Ouais, mais merci. Me manque, mais non, mais il y a trop d'ambiance. Voilà. Franchement, je suis désolée. Ouais. Ah non, pas du tout. Tu as été exceptionnel. Merci, c'est gentil. C'est juste mes yeux qui trahissent mon état. Je suis vraiment genre. J'ai conscience. J'ai vraiment une vision qui est réduite là. Genre, je vois la moitié de mon visage. Je suis genre. Moi, c'est comme ça que je suis le mieux de façon. On voit que la moitié du. Moi, j'en serais capable. Sachez que le Floodcast serait en pause si je faisais. Ramadan, ouais. Sachez-le très ah ouais, bien. Clairement, ah ouais, clairement, les gars. Moi, donc, mangez pour moi. Donc, vraiment, et vous allez pouvoir beaucoup. Me retrouver chez Pradel à Bastille, sûrement en train de manger une bonne entrecôte. Mais let's go. Plus sérieusement, vous pouvez me suivre sur les réseaux, c'est plus simple parce que j'ai mon spectacle qui arrive. Ouais, ouais, ouais. C'est ça. Je rôde beaucoup au Paname, au Madame Sarfati. Génial. Donc, le spectacle, j'espère, va vraiment pas tarder. Je donne plus de dates précises parce qu'avant, je disais, vous inquiétez pas, à la rentrée. Et à la rentrée, j'étais là, il faut juste que je. que je change que 2-3 petits trucs donc dans 4 mois. Ouais. Mais donc voilà ça et mais puis tu joues à côté aussi c'est pour ça. Oui, oui, qu'il y a, c'est vous avez tourné en place. Ouais, il y a la saison 2 dans place génial. Qui sort et il y a 2-3 autres projets qui vont sortir aussi dans la foulée donc génial. Suivez ouais. Los Amigos. Bah, oui. Trop bien. J'ai eu le plaisir ça d'écrire un petit peu pour toi mais malheureusement pas très longtemps mais sur en place saison 2. C'est et vrai. Donc j'ai participé aux premières réunions d'écriture sur les arcs narratifs et tout. Trop bien. Je suis parti au bout d'un mois, je crois, parce qu'il fallait que je fasse mon film et qu'il fallait faire un choix. Ouais. Mais du coup, c'était très agréable. Ah ouais, bah très bonne équipe sur en place. Très, congratulations, très parce que vraiment. Oh, bah, moi j'ai rien fait, tu vois, mais j'ai découvert une super équipe. Il y a ta patte dedans, il y a ta patte. Je sais pas, on verra. Mais tu sais, je sais pas du tout. Ce que j'ai lu, en tout cas, c'était très gaulerie. Bah, en tout cas, j'ai travaillé avec des auteurs qui étaient très forts. Donc moi, je pensais surtout eux, mais et puis surtout, j'ai découvert. C'est comme ça que j'ai rencontré JP Zadi, qui est quand même très très marrant, très fort, mais c'est pas à lui de le dire. Merci beaucoup en tout cas d'avoir écouté cet épisode. Bah, je vous dis à la semaine prochaine. Bisous tout le monde. Ciao. Il s'agissait du flow de cast. Pardon.